Bonsoir à tous, c'est les Peck Avengers en ce jeudi soir. Bonsoir Théo. Bonsoir Teddy. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va pas mal. Ça va pas mal pour un jeudi soir, oui. T'as participé à Passion juste avant? Tout à fait, enfin participer c'est un bien grand mot, mais j'étais à la technique. C'était bien? Bah c'était pas mal, oui. Bah il y a un artificier qui était au... Oui, au top de sa forme. Au top de sa forme, exactement. Il a tout fait péter. Marguerite, tout à fait. Il a tout fait péter. Oui, elle est facile la blague, mais en même temps, on l'aime bien. Oui, voilà. Mais on l'a déjà fait 4-5 fois quand même avant l'émission. Hein. Peut-être. Mais bon, vous l'avez pas entendu, donc ça compte pas. Voilà. Donc Théo sera là ce soir. Nous avons Guélane aussi. Bonsoir Guélane. Bonsoir Teddy. Comment vas-tu? Ah bah ça va bien. T'as le retour. Ah ouais, ça faisait le quand même retour. Un oh bout là de temps là quand là même là. C'est ça. Hey, mais qui oh es-tu, jeune intrus? J'entends une voix. Nous avons Ismaël du coup. Je ne suis personne. Tu es Batman. Bon bah on va raccrocher alors si t'es... Non, on va pas raccrocher. Isma, comment vas-tu? Isma. Un, deux. Oui. Oui. Comment vas-tu? Ouais, j'ai juste posé comme question, comment vas-tu? Ça a l'air d'être dur à répondre. Oui, bah c'est la fatigue surtout. Puis bon, ah, d'accord. Comment vas-tu? Comment veux-tu répondre à cette question tellement difficile? Tellement, ça va bien. Tellement vaste. Bah voilà. Bien. Par quelque chose de simple et ouais. Rapide, du genre ouais, ça va bien. Voilà. C'est... Ouais, mais c'était trop simple. Ah, faut pas faire trop simple. Faut faire trop compliqué, c'est mieux. Oui, je suis d'accord. C'est comme ça qu'on fait durer nos intros à 12 minutes ou 15 minutes. C'est un peu ça. Voilà, on meuble. Exactement. Et nous avons enfin notre star. Voilà, ouais, j'avais envie de faire un petit geste de la main pour montrer genre qu'elle est en haut. Oui. C'est le haut du panier, c'est la meilleure pomme. Ça ne s'entend pas du tout à la radio quand la tu fais le, quand elle est. Ah, oui. Ah, ouais, elle n'a pas l'habitude d'être en haut parce qu'elle est souvent en bas parce qu'elle est toute petite. Ça veut dire quoi ça? Je t'emmerde. Marguerite. Oui, bonsoir. Tu vas bien? Oh, ça va nickel. C'est vrai, t'es pas un peu trop énervé? Non, je suis fatiguée, mais ça va. Je suis contente d'être là quand même. C'est vrai? Ouais, ça va. Elle râle, mais on l'aime bien. Ah bah, exactement. Bah. Mais il faut que quelqu'un râle, il faut bien. C'est vrai, il faut toujours un râle. Ce serait trop simple, comme dirait Isma. Bon. On a tous des stéréotypes dans la radio. Il y a le mec qui envoie les vannes, j'ai pointé Guélane du doigt, bizarrement. Ah oui, tout à fait. Nous avons Marguerite, la râleuse de ce soir, pour le coup. Voilà. Yes. Isma, tu veux être quoi? Moi ce soir je vais être le gars fatigué. Le mec pas là. Ah non, c'est déjà dort. Moi ça. Déjà ouais, on est tous déjà un peu fatigués. Le mec on... qui met 3 heures à répondre. Ah non, sinon. Voilà. Moi je suis pas d'accord, moi je pète le feu. C'est trop facile. Je suis prêt à faire cette émission spéciale quelque chose. On peut le dire, de toute façon, c'est pas une surprise. Bah, ça a été annoncé. C'est-à-dire que c'est une publication Facebook, effectivement, qui met en avant le fait que ça soit une spéciale. Ah bon? Ankama! Waouh! Ankama, un grand domaine transmédia, et ainsi de suite, et blablabla, et blablabla. Tout à fait. Voilà. Enfin, musique! Mais tout à fait. Non, on va parler d'Ankama, et notamment le jeu Dofus, présenté par Isma, si je me trompe pas. Oui! C'est vrai? Tu y as joué beaucoup? Ouais, franchement pas mal quand j'étais gosse, je devais peut-être avoir 10-12 ans à l'époque je pense. Ouais. Moi aussi à une époque j'ai eu 10-12 ans. Oui. Moi aussi. Ah moi ça m'est jamais arrivé tu vois. Ah, oui. Je suis directement de 7-8 ans à 15-16 ans tu vois. Ah oui d'accord. T'as pas fait une bonne transition en tant que geek Théo. Et non mais tu vois je suis né en 96 en fait hein. C'est un autre type de geek. C'est une autre génération. C'est pour ça d'ailleurs que si t'es où. Si vous pouviez le voir là en studio, je sais pas ce que vous en penseriez, les amis. Bah, ça veut dire quoi ça? Ah, qu'il a l'air jeune. Voilà, bah, allez, jeune beau et fringant. Alors, à l'air. Pour tout le monde, sachez que Théo est célibataire. Ah, il est dans la trentaine. Voilà. Moi aussi, Théo. Ah, Guélane aussi. On peut aller à casting. Bah, moi aussi. Ah, bah voilà, Marguerite est célibataire. Quelle position tu veux, Théo? Après, on va flasher. Mais qui n'est pas célibataire en fait dans l'équipe? C'est la question. Bah, et ben, on a. Ouais, non, on est tous célibataires. On est tous célibataires. Allez hop. Team célibat. Alors, on est appelé Indestar. Pour On a le métier le plus cool au monde et on est célibataire. Il y a un souci quand même. On peut faire de la pub pour être célibataire. Non mais créer une application. J'en profite pour rebondir justement sur un sujet qui est qu'en ce moment on a lancé un appel aux bénévoles. Si vous êtes intéressé pour faire de la radio la saison prochaine, vous pouvez nous rejoindre. Et j'ai missionné Linda, hein, qui est notre maman à tous ici sur Indesa, pour faire un petit peu de communication sur cet événement. Et elle a trouvé une idée fort sympathique, c'est de reprendre le design de Adopte un mec, site de rencontre sur internet. Adopte une radio. Et de l'adapter. adopte un animateur. Adopte un bénévole, exactement. C'est merveilleux. Et il va y avoir vos tronches dessus. Comme ça, vous êtes parfait. Au courant. Et vous allez pouvoir rejoindre l'équipe. Mais Teddy, par exemple, tu seras dessus. Donc peut-être que si les personnes ne comprennent pas exactement le principe du truc, ils vont voter pour toi. Oh mon dieu, excellent. L'animateur star de la station. Je m'attendais pas à ça, mais bon, c'est une méthode. T'étais comme une pas autre. Au courant. Eh ben non. Écoute, non, j'étais pas au courant. Vous êtes superbe. Non, moi j'allais juste dire que vous pouvez nous appeler sur Indestar, comme ça, si vous voulez directement rendez-vous, vous pouvez quoi. Ah, comme les radiolites dans les années 90. Ouais, c'est ça. Tu es blonde, à forte poitrine, vas-y, décris-toi un petit peu et puis on lance un appel aux auditeurs et vont nous appeler. Moi j'ai grand, 1m95, brun, ténébreux. Alors grand, tout est relatif. Bah oui, non, mais c'est une blague. Bah par rapport à toi, oui. Ah, ça attaque sur le physique. Ah, c'est facile. Mais si vous voulez vraiment. C'est pour le travail, c'est pour le travail. Si vous voulez vraiment nous appeler, que ça soit pour notre célibatariat, non, c'est pas comme ça qu'on dit. Célibat. Ou pour réagir à l'émission, évidemment, parce que spécial en Kama, on comprend que vous aimez ça, même Peck Avenger tout court, vous aimez ça. Ah. En théorie. Cette phrase, il y a tellement de titres dans cette phrase. Ah bon ? Ah ouais. Oui. J'aime ça. Avec que vous aimez ça ? Oui, vous aimez ça, effectivement. Oui, merci. Vous pouvez nous appeler au 09 70 407 306. Et si jamais vous pouvez pas nous appeler et que vous loupez votre émission préférée, bah vous pouvez la retrouver en podcast sur indestar.fr. D'accord. Voilà. C'est bien. Et c'est cher le numéro de téléphone ? C'est gratuit. Ah, c'est gratuit ? Mais oh, c'est bah ça vaut le coup. C'est ça. Bah, c'est marrant, dis donc. Trouver l'âme sœur gratuitement sans payer par des. Exactement. C'est 75 centimes plus deux fois le prix du SMS. Ah oui. Mais bien évidemment, en plus, vous devez payer les vacances à l'équipe. Quoi ? Ah bah oui. Non, on est d'accord. Ah bon ? En même temps, là, les gens se disent ouais, mais bon, de toute façon, avec les frontières fermées cette année, on va leur faire payer des vacances à Dunkerque, ils vont être contents. À Roubaix. Paris-Roubaix. Petit coucou si vous habitez Dunkerque ou Roubaix, on vous aime bien. Bah, on va en parler de Roubaix tout à l'heure. À parce Châteauroux, que... c'est encore mieux, non, franchement. Moi, j'irais même Vierzon. Ouais, Vierzon. C'est encore mieux. Ah, j'avoue, pour avoir fait un petit tour et failli habiter à Châteauroux, c'est quand même déjà pas mal. Hein. Vierzon, c'est encore le meilleur. Ah ouais. C'est ah vrai ouais. que c'est moche. J'ai jamais mis les pieds à Vierzon, je crois. J'y suis passé une fois. Moi non c'est plus. Je voulais pas y aller. Tu n'as rien perdu. Que Vierzon, j'ai vu, hein, si tu veux, sur l'autoroute qu'il y avait une pancarte Vierzon quand j'habitais à Bourges, mais j'ai jamais essayé quoi. Bah, non, vraiment, t'as bien fait. Ouais. Oui, t'as bien fait. C'est pour ça que t'es toujours vivant. Bah, peut-être. Tu sais ce que tu vas faire aussi qui est intéressant. Pas mort d'ennui. Tu vas mettre une musique. C'est vrai, on a le droit de mettre la musique. Ouais, tu vas mettre le titre Buée de Gomard. Ah, on va plus rien avoir. Indestar, c'est de la musique. Et ça va être aussi une spéciale Onkama. Mm-hmm. Présentée par. Par Ismaël, j'allais dire. Bah, vos animateurs préférés. Oui, présenté par Ismaël. C'est très bien dit ça. Présenté par Ismaël. On parle de moi, mais je suis trop heureux. Juste après Gomard, tu vas nous présenter Dofus, n'est-ce pas? Oui, je vais vous présenter Dofus. Peck Avenger sur Indestar, c'est mieux que le jeu vidéo Aquaman sur Xbox. Jusqu'à 23h, la pop culture est à l'honneur avec les Peck Avengers. 23h, peut-être un peu plus, hein, on sait pas, c'est une spéciale. C'est comme d'habitude. Quoi. Ouais, déjà que d'habitude on finit pas à l'heure, mais alors quand c'est spécial. Ouais, c'est ta justification. Ouais, mais c'est parce que c'est une spéciale. Oui, voilà. Il me semble qu'il y a des émissions qui n'étaient pas des spéciales et au-delà de minuit, l'émission était encore là. Ouais, mais je m'en rappelle pas de toute façon. C'était avant le confinement, c'est un autre. Ça, mot. Voilà. Par contre, je me rappelle d'une spéciale avant le confinement, la spéciale Harry Potter. Oh, oui. Celle-là, mais fou. Qui avait duré presque 4 heures. Bah minuit je pense plus que largement ça, presque une heure. Ok, je sais pas ce qu'il y avait Cindy, c'est pour oui, ça il y avait une, on te fait vraiment des bisous. Une passionnée de chez d'Harry Potter. Mais c'était très intéressant. Et j'y ai pensé d'ailleurs l'année prochaine pour la saison 2 des Peck Avenger. Peut-être qu'on non, je déconne, on fera pas une spéciale Harry Potter. Harry Potter 2 ? Non. Est-ce qu'on ferait pas une spéciale Seigneur des Anneaux ? Seigneur des Anneaux, une spéciale pourquoi pas Animaux Fantastiques, comme ça reprend un peu l'univers d'Harry Potter. Est-ce qu'on peut vraiment faire une spéciale ? Il faudrait attendre un troisième opus. Ouais. On attendra la troisième, donc ça sera pour la saison 3 de Peck Avenger. Mmh. Mais un spécial Harry Potter, ça serait quand même pas mal parce qu'on a vraiment la chance d'avoir une passionnée qui est en train d'écrire. En je fait, crois. On l'a déjà fait. Une fanfiction. La fanfiction de tome 2 d'Harry Potter. Ah oui. Et il paraît que ça fait déjà. Il paraît qu'elle a déjà plus de 500 pages d'écrit. Hein, donc, Donc, et franchement, vraiment, allez le voir, je vous conseille de parce le que lire. Tu l'as lu ? Bah, j'ai commencé à lire. Parce que moi, elle a pas voulu que je le lise parce qu'elle avait pas fini. Parce qu'elle avait pas fini à l'époque quand je lui ai demandé. Eh ben, maintenant ça s'appelle Au travers des yeux du serpent, si je me trompe pas. C'est ça. Donc c'est voilà, Cindy, on te fait un peu de pub si tu nous écoutes. On aimerait bien que tu reviennes aussi dans Peck Avenger parce que ta présence nous manque, mine de rien. Ta présence nous manque. Le problème, c'est qu'on parle pas d'Harry Potter, t'es on parle pas de nazis, du coup, c'est compliqué. C'est pour ça. Ça m'intéresse moins. C'est pas pareil. Hein. Mais bon. D'ailleurs, Isma. Puisqu'on parle de nazis. Non, puisqu'on parle de la spéciale Onkama ce soir. Oui, tout à fait, spécial Ankama, donc spécial Dofus. Alors, oui, effectivement, on va parler de Dofus. Le premier jeu créé par... La première chose créée par Ankama, tout court d'ailleurs, ils ont créé Dofus. C'est leur premier produit, c'est ça. C'est ça. Et tu vas nous en parler ce soir. Ouais. Maintenant même. Alors, pour ceux qui se posent la question, Dofus, c'est quoi ? Eh ben, vous l'avez compris, on l'a dit il y a deux secondes, c'est le premier produit d'Ankama, et ça prend place dans un univers totalement fantastique qui s'appelle le Crossmoz. Alors, je sais pas l'équipe si vous en avez déjà entendu parler là, de cet univers, le Crossmoz, ou pas du tout. C'est un univers transmédia. Ça m'est arrivé. En gros, c'est un peu comme, comme Marvel, le Marvel Universe. T'as une série, t'as des hors-séries, t'as des jeux, t'as des comics, t'as tellement de trucs qui font un contenu, qui font un univers. C'est un peu ça ? Exactement. Voilà. C'est un univers à part entière. Et du coup, en fait, grâce à Dofus, ça va être leur premier succès. Et du coup, comme tu le dis, il va y avoir beaucoup de produits dérivés qui vont arriver. Donc, notamment, il y a d'autres jeux vidéo en plus du jeu vidéo Dofus qui existent maintenant. Ouais. Comme par exemple Arena 9 depuis 2011 ou encore Wakfu qui est sorti en 2012, l'année d'après. Ouais. Et justement, je crois qu'on va aussi parler de l'animé cette fois-ci, Wakfu. Oui, on en parlera ce soir. Tout à l'heure. On va en parler. Mmh. Avec des cinéastes de l'ESCAT, l'école de cinéma à Tours. Donc des vrais professionnels et des gens qui savent de quoi ils parlent. Des vrais professionnels, moins, je sais pas. Ce micro. Tu fais micro. Quand même, vous faites partie du gratin quand même de l'ESCAT. Hein, Oula, alors je dirais pas ça, calme-toi. Hein. Moi, je le c'est vrai qu'en plus, j'ai du mal à mettre mes chaussures. Parfois, mais voilà, laissez-nous vous faire gonfler les chevilles, Yvan Méo. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je mets plus de casquette maintenant. On t'entend plus. On a perdu Marc. On a coupé la chic. Non mais il y a un problème de branchement de micro. Qu'est-ce que vous voulez ? Oui, bien sûr. Pas le logique. Je te tiens à l'œil. Alors Isma, tiens l'œil en fait. Dofus. Et donc du coup pour revenir un peu sur Dofus, à savoir que la première œuvre qui a été dérivée, c'est pas du tout les autres jeux vidéo ou encore la série animée Wakfu ou le jeu Wakfu. C'est ce qu'on appelle le manfra, donc un mélange de manga français en gros et ça donne manfra. Adapté pour les japonais et, coup, si j'ai bien compris. C'est aussi qui est sorti avec un premier tome en 2005. Et ça a été scénarisé par le co-créateur du jeu qui s'appelle Tot et dessiné par un gars qui s'appelle Ancestral Z que je ne connais pas du tout. Ah, c'est son pseudo ça, mais je crois que c'est l'un des cofondateurs d'Ankama. J'ai pas écrit son pseudo parce que pour moi ça m'intéressait pas spécialement, mais ils sont trois à avoir créé Ankama. C'est ça, ouais. Et il y en a pas... un, ils ont tous des pseudos de toute façon, mais... je préférais donner leur vrai nom. Je les donnerai tout à l'heure, mais vas-y, continue. T'inquiète, je les ai, donc je vais vous en parler là dans quelques instants, justement. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Dofus, depuis tout à l'heure, je vous dis que c'est un jeu, mais vous allez me dire, un jeu de quoi ? Un jeu de combat ? Un jeu où il faut tuer tout le monde avec des mitraillettes ? Bah non, ouais, pas du tout. Non. En fait, c'est juste un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur, en soit un MMORPG. Ouais. Et du coup, c'est totalement français, à 100%. Ça, c'est cool parce que c'est assez rare des jeux de cette ampleur qui sont entièrement français. C'est vrai. C'est donc développé et édité par Ankama en 2004. Et puis juste après, par Ankama Games, qui est la filiale spécialisée dans les jeux vidéo. Le projet a donc débuté avec Emmanuel Darras, Camille Schaffer et Anthony Roux. Donc, comme tu disais tout à l'heure, c'est ce ça. Sont les trois, les trois fondateurs là, de Dofus et son univers. Et qui viennent de Roubaix. Oui, justement. Et qui faisaient quoi avant ? Oui. Il faisait du développement web, je sais pas exactement en quoi ça consiste. Ok. Mais c'est développer des sites internet. Ouais. Ils ont commencé par ça, après ils ont créé Ankama. Ils ont continué de faire un peu de développement web pendant à peu près 2 ans, mais ils ont aussi bossé leur jeu. Et c'est comme ça que Dofus est sorti, tu as dit en 2004, moi j'ai 2003. Okay. Bon, c'est les aléas du direct. 2004. Ça a été présenté en 2003 et sorti en 2004. Ah, peut-être. Allez, voilà, ça passe. C'est sûr. Par contre, il y a une autre anecdote que tu vas pouvoir me dire, pouvoir confirmer, Isma. Ankama, c'est. D'où vient ce nom Ankama ? Est-ce que tu sais ? Je ne sais pas du tout. Tu sais pas ? Je t'avoue, c'était une bonne question. J'ai pas été checker ça, je me suis pas posé la question. C'est pas très grave, moi je peux te le dire. Ankama, ça vient en fait de la contraction des prénoms des trois fondateurs. Tu vois, il y en a un, il s'appelle Anthony, tu prends le AN devant. Il y en a un, il s'appelle Camille, alors ils ont mis KA, c'est plus beau que CA, tant pis. Hein. Anka et Emmanuel, ils ont pris juste le MA, donc c'est pas les deux lettres en premier, c'est les deux lettres après. Ah ouais, pour moi, ça sonne mieux. Ankama, ça s'est amené de j'ai faim, un petit Anka, et puis tu vois, il y avait un truc comme ça. Donc. Et pas du tout, quoi. Ankamama. Ok, stop, c'est moi qui fais les jeux de mots ici. Ah, pardon. Copyright. Non, voilà, donc Ankama, ça vient du nom des trois cofondateurs d'origine. Moi, je pensais qu'il avait un peu faim, qu'il voulait Anka. Alors déjà une fois ça marche pas, mais deux fois. Mais deux fois c'est encore pire. Il y aura pas de troisième. 15 fois. J'arrête. Isma, du coup, T'étais sûr de plus. Du coup, je voulais dire que effectivement, leur toute première version du jeu, qui s'appelle pas encore Dofus à l'époque, ça s'appelait Artislot Duel. C'était un jeu qui proposait du joueur contre joueur. Donc, on se battait contre des joueurs. Il n'y avait pas de monstres, etc. D'accord. Et donc, en fait, de fil en aiguille, à l'époque, les développeurs, ils vont améliorer le jeu et ils vont arriver à une phase de bêta test. C'est-à-dire que c'est un moment où on peut officiellement faire venir des joueurs qui ne sont pas de l'entreprise, donc des gens comme nous ou vous qui nous écoutez sur Indestar, pour jouer directement au jeu, et ils vont le renommer en Dofus. Et là, on est à un petit peu en 2003-2004, voilà, on est entre les deux années. Et quelques mois après, ils vont sortir donc le 1er septembre 2004, date officielle, hein, retiens bien ça, t'as dit, en France, je parle de Dofus. Ok. Oui, d'accord. Ok, et voilà. Dofus, dans l'univers Dofus, tu y as joué du coup, tu sais combien t'as d'heures ou pas, pour donner un ordre d'idée? 3 heures. Combien moi j'ai joué d'heures sur le jeu? Ouais, si t'as une idée, enfin, si tu le sais ou pas, ça dépend. Alors, j'ai mis beaucoup de thunes quand j'étais gamin avec les Allo Pass à l'époque, avec le téléphone fixe de mes parents qui ont pété des caps parce qu'il y en avait pour 60-70 euros par mois. Ah ouais. Joli. Voilà, parce que, enfin, je vous expliquerai tout à l'heure, mais en gros, le jeu, il y a 95% du contenu qui est accessible seulement qu'aux personnes qui sont abonnées. Donc voilà pourquoi j'ai mis beaucoup de thunes à l'époque. Et 5% du reste du jeu est accessible gratuitement. Mais je pense que j'ai bien dû jouer 200 à 300 heures dessus. D'accord, ouais, c'est pas mal quand même, c'est conséquent. Et rentabiliser en même temps. C'est très très long. Dans Dofus, en fait, t'as un choix de personnage, enfin un choix de race plutôt, parce que c'est commun dans tout l'univers du Crossmoz. T'as des races dans le Crossmoz. Et toi, t'avais une race, j'imagine, t'avais un personnage, et t'avais choisi quoi? Alors moi, le premier personnage que j'ai fait, si je me souviens bien, à l'époque, ça devait être un yop. Alors, on parle pas des petits yop à boire, bien évidemment. Non, pas un yop effectivement à boire, parce que nous avons Théo qui sera le total inconnu de cet univers et qui va comprendre. Bah ouais, non mais puis moi ça me rappelle la fameuse pub télé. Ah oui, les gars, un yop. Dis-toi qu'un yop, c'est un peu une brutasse sans cervelle. Le mec qui a tout dans le physique. C'est le warrior. D'accord, le warrior. Le warrior sans cervelle. Ce qu'on pourrait appeler le tank. C'est un peu ça. Le mec, tu lui dis vas-y cogne, il cogne. Ouais, totalement. C'est la philosophie yop. Tu cognes d'abord et tu poses des questions après. D'accord. C'est ça. Bah, je vais vous dire un petit peu les 18 classes qui sont jouables, voilà, à peu à quoi elles correspondent. Donc là, vous avez dit donc les yop, effectivement, c'est des guerriers qui sont au corps à corps. Ouais. Ils sont fonceurs et stupides, ça, il n'y a pas à dire. Ouais. Après, t'as un petit peu leurs contraires qui sont les kras. C'est une classe d'archers, donc eux, ils sont à distance. On peut les appeler un petit peu. Ils ont beaucoup d'adresse en fait. Ouais, ils ont beaucoup d'adresse, ils sont agiles et ils infligent des gros dégâts de loin. Ils sont pas très courageux au final, quoi. Une fois qu'ils sont arrivés au corps à corps, ils sont défoncés. Ils sont peut-être pas fait de fuite, ils sont peut-être juste normal, hein. C'est pas des sages non plus. Normaux. Ah, je sais pas. Après, sais pas. Dans la série Wakfu, on a une Kra qui est très très intelligente. Et très très courageuse aussi. On verra ça tout à l'heure, je pense, avec Marguerite. Oui. Et quoi d'autre? Après, vous avez des guérisseurs qui s'appellent les Inirypsa. Eux, en gros, ils utilisent les mots comme pouvoir pour aider soit les alliés ou les ennemis. Pas aider les ennemis, bien sûr, mais leur faire des dégâts ou les entraver. Genre, tu peux rien faire, tu te tais, etc. Enfin voilà, ou même faire des dégâts. Tu es empoisonné et paf, t'es empoisonné. Non, j'ai non, les Inirypsa, il n'y a pas d'empoisonnement. Enfin, quoique si, il y avait quelques sorts à l'époque, mais. C'était pas la chose la plus importante. D'accord. Mais moi, une des classes que j'ai préférées quand c'était sorti, c'était les Osamodas. Alors, en gros, c'est une classe, ce sont des invocateurs. C'est-à-dire qu'ils utilisent la puissance des bêtes qu'ils vont invoquer pour terrasser les ennemis. Donc, en gros, toi, tu joues de loin, t'invoques tes bêtes et tes bêtes vont automatiquement attaquer l'adversaire. Et toi, tu les boostes en plus. Donc, c'est-à-dire que tu participes même pas, quoi. Genre, à part lancer tes sorts sur ta bête. T'as même pas un petit couteau, finalement. C'est un Pokémon. Le dresseur de Pokémon. Ouais, c'est ça. Et c'était la deuxième classe que j'ai dû faire, je crois, à l'époque, où je me suis le plus amusé avec, parce que tu te mets loin et tu fous que rien et tu passes tes tours et les monstres tuent les autres monstres. Voilà. D'accord. Soit. Donc là, ça fait 4 races. Ouais, ça fait 4 races. Je vais peut-être pas vous énumérer les 18 parce qu'il y en a pour un certain moment. Ouais. Mais en gros, dans les celles qui existaient à l'époque, quand le jeu est sorti en 2004, en plus des Osamodas, il y avait les SRAM. Eux, c'est des assassins qui sont capables de se rendre invisibles, de poser des pièges mortels et de créer des doubles d'eux-mêmes. Assez sympa pour ceux qui aiment jouer la furtivité et les coups dans le dos, on va dire. Après, on a les Enutrophes. Ça, c'est pour les Rapias. C'est des chasseurs de trésors par excellence. Ouais. Ils ont une chance. C'est même pas mesurable tellement ils ont de chance et en plus ils sont des experts dans l'art de l'entrave. Donc en gros, ils trouvent un trésor, imaginons, tu veux aller à leur poursuite, ouais. Ils vont t'entraver, ils vont se barrer, toi tu bouges pas. C'est sympa. Parfait. Donc, des espèces de voleurs, on peut dire ça. Et des vieux, non trésors en même temps. Ça existe, ouais, un Zélitrof jeune. Mais c'est bien les vieux. Il y en a peu. Hein. Parce qu'ils parlent pas et c'est mystérieux. D'accord. Okay. Ils sont très mystérieux, les vieux. Why not ? Pourquoi pas ? Après, vous avez des félins, pour ceux qui aiment bien jouer un petit peu dans les mondes fantastiques, des personnages qui ressemblent à des animaux, etc., ouais. Qui s'appellent les éclaflips. Ouais. Eux aussi, et ils ont des âmes sœurs avec la chance. Et en plus, ils utilisent surtout plein de choses comme des jeux de hasard pour infliger des dégâts. Galen, soit tu vas faire beaucoup de dégâts, soit tu vas pas en faire. Enfin, c'est au hasard. C'est vraiment la classe. Ouais. Galen, il te demande si. Ils ont une âme sœur ou pas ? Non, je pense pas. Non, parce que ça sinon, la blague. Ils auraient été faits l'un pour l'autre. Ils auraient été sur voilà. Une blague de merde. Ah, celle-là mais... est très bonne. Non, mais il me regarde depuis tout à l'heure en mode t'as compris ou pas. Oui, j'ai compris, mais c'est dur de rigoler à ça. Non, c'est pas dur. Merci Théo. T'es vachement mieux que Lanka. C'est vrai. T'en oublies peut-être l'une des principales. Hugo, il fait partie de quelle race? Alors, il fait partie d'une race qu'on appelle les héliotropes, mais qui arrive très très tard dans Dofus. Là, ça ouais. Doit faire peut-être 3-4 ans que la classe est sortie sur les serveurs et le jeu. Ah, ouais. Donc c'est assez récent. Ça fait pas partie des 12 classes de base qui existaient à l'époque qu'on a jusqu'au Pandawa. Mmh. Parce qu'entre temps, ils ont rajouté des gars qui posent des bombes, d'autres qui utilisent des masques pour faire pleurer les ennemis, des gars qui balancent des tourelles. T'as plein de trucs qui sont arrivés après. Et t'as effectivement donc les héliotropes qui sont des mages, eux qui utilisent le pouvoir du Wakfu pour créer des portails et qui se déplacent comme ça avec les portails et en plus infligent des dégâts. Donc c'est effectivement des Yugo, comme tu peux dire. Allez, plein de Yugo. Des Yugo et des Klibli, ok. C'est ça, d'accord. Mais pas des Yugoslavich, hein. Non mais j'y ai pensé. Non mais ce soir on va. Non, j'étais non. Sur la vanne, c'est slavie de Yugo et ça fait bon Yugo slavie. Mais bon après c'est fini. Allez bien. Est-ce qu'il est slave Yugo slave? Tu approuves Gaël. Ah oui, j'approuve. Ah, évidemment. Et si tu donnais une note au jeu, tu mettrais combien toi? Sur 10 ou 20 comme tu veux. Le jeu sur 10, je mettrais un 7. Un 7, bon 7 pas mal. Ah, ouais, qu'est-ce qui t'a plu toi dans ce jeu? Alors si tu peux répéter Marguerite, j'ai pas entendu ce que tu m'as dit. Qu'est-ce qui t'a plu toi dans ce jeu? Alors quand j'étais gamin, ce qui m'a plu quand c'est sorti, c'est que c'était déjà mon premier jeu vidéo que j'ai fait avec un ami. C'était aussi mon premier jeu vidéo en multijoueur, c'est-à-dire que j'ai découvert déjà le monde des multijoueurs et de l'arnaque, et que les gens peuvent vraiment ne pas être sympas. C'est-à-dire que dans le jeu, vous avez une monnaie qui s'appelle les Kama, avec ça vous pouvez faire des échanges, vous pouvez acheter des objets pour devenir plus fort. Voilà. Et il y avait plein de choses. Et à l'époque, il y avait et même encore aujourd'hui, il y a un objet qui s'appelle le Gelano, qui est très très recherché. Et qui se vend pas si cher que ça, mais quand tu commences le jeu, ça coûte une 5 blindes. C'est à peu près dans les 60 à 100 000 Kama aujourd'hui, et ça représente quand même pas mal de sous dans le jeu. Et faut savoir qu'à l'époque, on avait la possibilité, grâce à des cheats, enfin des trucs de triche, de modifier les images. Juste de l'item en gros, ouais, de l'objet. Et de les transformer. Donc par exemple, un vieil anneau de niveau 1. Avec le Géano qui est niveau 60, tu pouvais interchanger dans les dossiers de ton jeu l'image et ça apparaissait pareil pour tout le monde quand tu faisais un échange sur le serveur en ligne. Mais tu avais les stats de l'anneau niveau 1. Comme ça. Et donc du coup, tu disais venger l'anneau pour même moins cher, tu vois, limite tu le faisais à 10 000, ça ouais. Partait ultra rapidement, sauf qu'en vrai, tu vendais un petit anneau Pew qui vaut un Kama. Et toi, tu l'as acheté cet anneau falsifié? Ah oui, je l'ai acheté. J'ai acheté combien de fois après, parce que j'étais vraiment pas content. Tu m'étonnes, évidemment. D'accord. Super. Ou alors, allez, je vous donne un deuxième tips pour tous ceux qui aiment bien un petit peu arnaquer les gens. À l'époque, ce qui fonctionnait très bien, c'était justement les codes Allopass qui permettaient de s'abonner grâce au téléphone portable, parce qu'on est en 2004-2005, je vous rappelle, quand je le sors. Donc ouais. À l'époque, on n'a pas les smartphones, hein, c'est le vieux téléphone à touche tout pourri. Donc les appels coûtent un bras, Internet coûte un bras, et s'abonner, ça coûtait un bras. Et du coup, on échangeait... des codes Allopass, de l'argent dans le jeu. Donc par exemple, tu disais vend deux codes Allopass, ça correspondait à une semaine à un code, et je sais pas, tu disais 10 000 Kama, et du coup les gens te disaient ok, toi tu leur disais tu me donnes 5 000 maintenant, je te donne le code et tu me donnes les 5 000 après. Donc du coup, tu avais les 5 000, une fois que tu les avais, tu te barrais. Et tu donnais jamais le code. Celle-là aussi, tu t'es fait avoir par celle-là. Oui, je me suis fait aussi avoir expérience, avec celle-là. Tu sens la rancœur. Attends, quelque chose, je le réutilisais après. Et dans un instant, en Radio Arnaque, nous aurons l'interview de Mesrine. Bon, j'ai une autre question du coup. Est-ce que t'as arnaqué des gens comme ça? Ah bah oui. Bah oui, tout le monde le fait. Sérieux, non, moi j'ai jamais arnaqué des gens. Bon, déjà, je joue pas beaucoup en multijoueur sur n'importe quel jeu. Par contre, ça m'est jamais arrivé d'arnaquer un joueur. Si t'as l'occasion, franchement. Ouais. Franchement, faut le faire. Je sais pas, j'ai pas envie de jouer avec des gens déjà de base. Pour commencer. T'es solo. Non, en ouais, gros, moi, là, tu t'es dit, Ismaël, je me suis fait avoir parce que j'étais jeune, donc t'as fait la même chose avec des petits jeunes. Je vais me manger sur le monde entier. Ouais, c'est méchant. Mais faut savoir que Dofus est sorti à l'époque. Il y a beaucoup, beaucoup. Enfin, quand je dis d'anciens, c'est pas pour vexer les gens qui ont plus de 30 ans, mais de personnes très adultes, on va dire, qui jouaient. Et il y avait beaucoup de gamins aussi, et du coup, bien évidemment, les adultes nous arnaquaient facilement. Mmh. Oh, ça, c'est... Alors, ça, je tiens à dire tout de même que je n'ai jamais joué à ce jeu-là. Voilà. Je ne faisais pas partie de ça. Tu fais partie des gens bien. Des gens bien, exactement. Des gens bons. Obligation. Et d'ailleurs, à propos de toi, Théo, la prochaine chanson qu'on va mettre, c'est une de tes chansons préférées, je crois. Ah, du moins, c'est ton artiste préféré. C'est Afri. Oui, ouais, oh. Voilà. Même Galan, c'est. Et pourtant, il n'avait pas le conducteur sur les yeux, mais je sais. Parce que Anne Afri, elle a fait une reprise du titre Magic de Coldplay. Mm-hmm. Et ça va donner, ça va donner ce qu'on va entendre en fait. Ah, tu veux qu'on écoute ça, c'est ça. Bah, je sais pas. Ah, bah non, c'est comme quoi. J'avais pas fini. Jusqu'à 23h. La pop culture est à l'honneur avec les PK Avengers. Eh oui, les PK Avengers, Théo, moi c'était dit, hein. Kélan, Marguerite et Isma, oui, parce que... Le seul animateur star qui commence par lui. Moi. Non, j'ai dit Théo. Ouais, parce que j'ai en deuxième, ok, d'accord. Ouais. T'as dit moi parce que tu voulais pas te faire virer, et ensuite tu t'es dit... tu t'es cité. Ah, qu'est-ce qui se passe? Un appel? On a... Ring, ring, ring, oh, un appel. Yes. Mais qui est-ce? Je suis désolé, ça sonne hyper fort, ça, c'est à cause d'Isma. Allô? Bonsoir. Kélan? Bah non. Ah bah non, c'est pas Kélan. C'est vrai que j'ai l'habitude d'appeler, mais... C'est vrai. Et d'ailleurs, on te remercie. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire, vous pouvez toujours bonsoir. Nous appeler... Bonsoir. Ah, bonsoir. C'est Jolan. Jolan? Allô? Y a-t-il quelqu'un? Es-tu oui, allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, on t'entend. Jolan, comment vas-tu? Oui, allô? Oui, on t'entend, toujours. Allô? Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Est-ce que toi, tu nous entends? Ça va très bien. Parfait. En fait, j'ai un double écho, je vais couper la radio, c'est horrible. Ah bah oui, ah oui, faut pas écouter en même temps la radio. Il faut savoir, faut toujours couper la radio quand tu appelles la radio. Parce qu'il y a un décalage. Je fais un coucou et je suis en train d'écouter l'émission depuis tout à l'heure. Ouais. Et j'ai une info par rapport à ce que disait Ismaël tout à l'heure sur les races de Dofus. Ouais, dis-nous. Tu as joué à Dofus? Apparemment, les héliatropes sont un peuple disparu depuis des milliers d'années. Donc la race Hugo est le seul survivant, c'est une copie des Hugo en fait, si vous voulez. Ah, d'accord. Ah. Mais du coup, j'ai été clair. Tu as été clair. Mais est-ce que tu as joué les héliotropes et les héliotropes, je sais plus comment ils s'appellent. J'ai un ami qui est pas mal calé sur Dofus qui m'a dit tiens, ton pote il est en train de dire de la merde, il faudrait peut-être que tu le recorriges. Tu as raison. Est-ce que tu nous entends, Espagne? Il te descend en pique. Ah, ça se tire dans les pattes dans l'équipe de PK Avengers. Mais voilà. Non mais c'est bien de corriger les infos et d'ailleurs vous pouvez le faire hein, si vous êtes sur Facebook par exemple en MP ou en nous appelant comme Jolan le fait si bien. C'est ça et Jolan... J'ai dit à mon ami en question qui est en train de me parler sur Discord, j'ai dit mais vas-y n'hésite pas à appeler, le numéro est gratuit, ils vont pas te manger. Mais en fait il était trop timide, il avait trop peur d'appeler, du coup je me suis dit je vais appeler à sa place puis je vais dire l'info. Non mais t'as raison parce que c'est vrai que des fois on a mangé des gens mais quand même. Ouais. Mais il faut pas dire ça. Ton ami c'est il s'appelle comment? Alors son pseudo c'est Phoenix. Phoenix? Eh ben Phoenix, on te fait des gros bisous et si tu veux, Marguerite est célibataire. Mais tu veux la vendre? Non, mais déjà, viens au studio, tu vois. Alors... Oui, oui, effectivement. Viens au studio, plutôt. Viens au studio, si comme ça, tu pourras voir Marguerite. Il y a moi aussi. Je t'ai rien demandé. C'est vrai. Dans mes souvenirs, il m'a dit qu'il habitait en Haute-Savoie, donc. C'est un peu loin. Quoi. Ah, j'aime bah, pas écoute, le fromage. On fait des bisous désolé. Quand même, c'est pas grave. On viendra directement. J'aime pas les fondus. Dans tous les cas, on lui fait des gros bisous et à toi aussi, Jolan, on te fait des gros bisous et j'espère que cette émission va te plaire. Bonne merci Jolan, très bonne soirée. Bisous. À très vite, bisous. Bisous. Ah, bah, j'ai écouté le taux. Oh. Bientôt. J'en suis désolé. J'adore. Ce mec à la console là. Ah, c'est le meilleur. On a monté où? On a le Manitou d'Indestar. Manitou, ouais. Le Manitou comme pour charger les palettes. Exactement. Ouais. Est-ce que tu manies vraiment tout? Ouais, je manie vraiment tout. Bon, oh, revenons à nos moutons. Non, je repensais à Yugo tout à l'heure parce qu'on est quand même dans le thème. Et tu... Bon, alors je vais faire un parallèle avec Starter, mais il y a une marque de voiture qui s'appelle Yugo. Ouais. Ah ouais? Je sais pas si ça existe encore, mais ça existait en tout cas. Mais genre Yugo, genre Y-U-G-O? Y-U-G-O, mon dieu, mais tout est lié. Mais tout est lié. Est-ce qu'elle est française cette marque? Mais non, elle est yougoslave. Ah bah oui, c'est. Évidemment. On va s'arrêter ça. Allez, on rentre chez nous. On va continuer. Oui, on va continuer. Le nom de la voiture a deux sesterces, quoi. Bah ouais. Bon, Teddy, que vas-tu nous présenter? Je vais vous présenter un peu Ankama et surtout les doubleurs de la série Waku. Yes. Parce que j'aime bien les voix, en fait. Au départ, je voulais présenter la musique du générique. D'ailleurs, nous l'avons. On va commencer par ça. On va mettre la musique du générique. Générique. Ça, c'est bien. Générique. Waku. Vous regardez France 4. C'est ça, sur Ludo, ça commence à... Vous regardez pas, vous l'écoutez. Vous écoutez France 4. Ah, ça arrive, hein. Ah, c'est du français. Oui. Oh, on dirait une musique des enfoirés, quoi. Après, peut-être qu'avec le visuel, ça... Alors, soit les enfoirés, soit un groupe popstar, quoi. C'est... United. Les Watford. Kids United. Ouais, mais ça, quand t'es enfant... Oui. Mais après, ouais, mais c'est le best du best. Ça reste dans ton cœur jusqu'à la fin de ta vie. Non, moi, c'est Hunter x Hunter qui est resté. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça marche aussi. Ça peut rentrer dans la tête parce qu'effectivement il y a un rythme. Ouais. Ouais. Mais... Même plus Code Yoko, je pense. Mais oui, ah, clairement. Ah, Code Yoko. Je suis plutôt team Code Yoko. J'aime aussi beaucoup Code Yoko. Mais Ankama, enfin Wakefu plutôt, ça a une place quand même, surtout au cœur des Français parce que c'est français. C'est faut bien l'avouer. Mais Code Yoko aussi. On est fiers quand même de ce qu'on a fait. Pour une fois qu'on a un dessin animé qui marche même à l'étranger, faut se la péter. Alors, si, à l'étranger, ils ont le même générique. L'espionne coccinelle. Ah, Miraculous. Voilà. Ah, Miraculous, ouais. c'est vrai que c'est français. C'est vrai. Et on les a vus à la Japan d'ailleurs. Ils sont très gentils. Ouais. C'est vrai. Mais c'est un peu moins de notre âge. Oui. Un petit peu. Oui, non, clairement. Ah, c'est... Attends, moi, je. Mon c'est ex, plus ciblé. Regarde ça. Ah ouais oui. Elle a quel âge ton ex? Bah, mon âge. T'as quel âge? J'ai 20 ans. Oui. Parce que ça m'est arrivé aussi de regarder Miraculous à mon âge, mais. Non, mais c'est pas que pour les enfants. Non, c'est vrai, et bah, tous les dessins animés, on peut tous regarder... Après tout, est-ce que nous ne sommes pas des grands enfants, finalement? Exactement. Voilà. C'est la différente grille de lecture dans tout ce que tu regardes. Je suis pas d'accord. Non, moi je suis pas un grand enfant. Mais t'es regardes Miraculous? Tu connais Miraculous? Non. Et bah tu devrais... Je connais Miraculous et j'ai jamais osé regarder... Moi, mon fils, il me dit qu'il veut regarder Miraculous, regarder je lui dirais parce oui. Que c'est pas terrible. Ton fils, je m'en fous, en fait. Il regarde bon, on va faire un tour de table. Quel est le... Alors, ça peut être un animé, peu importe, un film, le film vraiment, je... Que vous n'osez jamais dire. Un truc comme ça. Peut-être un truc d'enfance, finalement. Hein? Moi, ça serait bien Inazuma Eleven. Par c'est exemple. Pas que je le dis pas, mais... Le film de la honte, c'est ça? Ouais, ouais, par exemple, moi j'aime énormément la série Steven Universe. Pourtant, c'est plutôt un truc pour enfants. Ah, mais j'aime pas, beaucoup. Je trouve pas... Ça, alors... Bah, donc, Adventure Time. Adventure Time, okay, d'accord. Adventure Time pour toi. Ouais. Théo, non, mais je cherche, mais... Théo, il cherche, tu trouves pas? Moi, non, ça serait le... Pas. Ça serait Inazuma Eleven. J'adore cette licence. C'est un jeu... Enfin, c'est un manga de foot avec des jeux de foot et tout ça. C'est un peu enfantin, mais j'adore les techniques, tout ça. Moi, j'ai pas trop de choses enfantin parce que... Olivier Tom. Non, mais... Il a jamais été jeune. Non, il a été triste dans sa jeunesse. Théo, c'est Olivier Tom. Non, mais j'avoue, quand j'étais petit, je regardais très peu de dessins animés. Alors, j'ai regardé les classiques type Tom le et Club Jerry. Dorothée, peut-être. Non, mais non, très peu le Club Dorothée. C'est trop bien, le Club Dorothée. C'est quoi ton plaisir coupable? C'est plus ça. Après, globalement, je pourrais chercher, mais série film, je vois pas trop en fait. Ah. Il doit y en avoir hein, des trucs moisis. Que... Après, je suis très fan de Taxi par exemple, voilà, c'est pas un chef-d'œuvre cinématographique. Oui, bon. Oh, ça va. Mais je parle des films français. Ouais, enfin, je sais pas, mais en tout cas, Taxi, c'est vrai que je connaissais les répliques par exemple du 2 par cœur. Voilà. Oh, et toi, Isma, est-ce qu'il y a quelque chose d'inavouable, on va dire? Plaisir coupable. Pas inavouable, mais c'est un peu chaud quand même. C'est que j'ai bien kiffé il y a 4-5 ans quoi. Qu'est-ce quand je regardais beaucoup d'animés japonais, un animé qui s'appelle Non Non Biori, C'est un hentai, truc ça, tout petit, tout mignon, et c'est parfait pour les gosses qui ont 4 ans, quoi. Sauf que moi, quand je suis devant, je suis tout gaga. Parce qu'en gros, c'est l'histoire d'une petite fille en maternelle, on suit ses aventures, comment elle se fait des amis, etc. Et après, la saison 2, c'est quand elle est en primaire. Et je sais pas, d'accord, c'est tellement détente, les épisodes durent pas longtemps que, je sais pas, ça m'a emporté, et j'avoue, ça, c'est un peu la honte. Alors si, soit, quand même, ça y est, okay. Je viens de repenser à un truc auquel, voilà, j'accrochais pas mal, et pourtant, c'est quand même bien pourri, surtout en revoyant, et tu parlais du Club Dorothée, c'était le miel et les abeilles. Et franchement, c'est le nom. Je connais même pas. Non, Maya c'est Maya. C'est pourri en vrai comme série parce que non, c'est Maya, l'histoire d'une jeune femme qui où là t'as tous les mecs autour, d'où le miel qui est la femme et les abeilles qui gravitent autour. Ça prend une belle allégorie. Ça, mais c'est un truc du genre Hélène et les garçons. Hein, c'est les mêmes sitcoms, hein. Mais et c'est très mal joué, etc. Mais Undo Stress. Je sais pas. Il y a aucun suspense. Non, mais Undo Stress c'est beaucoup plus qualitatif. Je regarde Undo Stress. Si, si, il a raison. Si, alors, si. Si, je t'assure. Ah si, je t'assure. Si tu le regardes en VF, peut-être, mais c'est mieux que... Je crois que j'ai peut-être cassé une télé à cause de ça. Non, mais j'ai regardé à l'époque Undo Stress quand c'est sorti. Bah oui, oui. Oh, putain, vous savez quoi, on fait la spéciale nulle dans 2 semaines. Mais ça je crois que je vais prendre Undo Stress. La spéciale, ce qu'on n'aime pas. Oui, spécial ce qu'on n'aime pas, oui, effectivement. Mais nous, on l'appelle la spéciale. Oui, ça peut être ambigu avec les nuls, c'était de la peur et tout ça. Un Shabbat. Mais bon, là, c'est ce soir, on va pas faire un spécial... ce qu'on aime pas, on fait un spécial Ankama. Oui, donc là c'était une jolie aparté. Donc vas-y Teddy, on t'écoute. Oui, Ankama, merci Gay. Alors Ankama, ça a été créé le 15 mai 2001. J'aime bien 15 mai parce que c'est juste avant mon anniversaire qui est 16 mai, retenez-le. Très si bien, bon anniversaire Teddy. J'étais même pas née. En 2001, putain, tu es une millénaire. Oui. Tu es de la génération Z. Mais tu connais Wakfu? Bah oui, quand c'est, même. Franchement, c'est un bon point. Puis tu connais beaucoup de films d'avant parce que tu es de l'escat. L'école de cinéma de Tours. Non, oui, parce que la culture cinématographique personnelle qui lui permet de, à un moment merci. Donné, faire valoir. Bref. On est parti beaucoup trop loin. Enfin, bref. Continue. Du coup, comme l'a dit notre cher ami Isma, Camille Schaffer, Anthony Roux et Manuel Darras, c'est les trois cofondateurs de base, jusqu'en 2012, où qu'il y en a un qui part. Comment il s'appelle? Je sais plus. Vous voyez vraiment pas, mais il lève sa feuille, il le regarde avec un regard. Il remonte ses lunettes. C'est pas grave. C'est bon. En tout cas, il a été remplacé par un Olivier. C'est génial. Et il a apporté. Mononoski, c'est vrai? Non, je sais pas. Bah, Olivier, ça fait mono de ski. Oui. J'ai plus son nom de famille. Mais parce que ça va être dans le paragraphe que j'ai supprimé par une advertence. C'est pas grave. Il fallait faire CTRL-Z. C'est grâce à lui qu'il y a le film Mutafukaz. Oh. Si c'est bien un film. Oui, c'est bien. Parce que c'est ce que tu vas nous présenter. C'est d'abord une BD. C'est d'abord une BD. Je sais pas. Okay. Et ben c'est grâce à lui qu'il y a Mutafukaz. Parce que sinon, les deux autres, ils étaient pas du tout partis dans cette direction. Ils étaient partis, je sais pas. Rester chez eux. À la pêche. À Roubaix. Ils ont suivi le panneau de toute direction. Non, mais n'empêche, maintenant, Roubaix, pour moi, ça va être la ville d'Ankama. Parce qu'ils ont créé tellement plein de trucs là-bas. Bon, ils touchent des subventions comme tout le monde, j'imagine. Mais ils ont surtout créé un restaurant, le Ankama Bar. Ankama Salad Bar. Donc un bar à salade en plus. Ah ouais. Oui. Clément aurait été là et il aurait adoré le concept. Ils ont aussi créé un Ankama restaurant tout court. Alors généralement c'est plus pour leurs employés. On pourra faire une expédition. C'est vrai. Mais tout le monde peut y aller. Mais il y a quand même plus leurs employés qui mangent le midi et le soir. Ils sont plus de 450 maintenant, donc ça va. Ils sont. Ouais, il y a du monde quand même. Et tout le fait qu'ils ont inventé l'Ankama maison. Vous avez deviné ce que c'est? Des appartements, bizarrement. Ils ont tout roubé, en fait. Ouais, non, mais alors en fait, ça fait un peu comme les villes industrielles. Clermont-Ferrand, comme Clermont-Ferrand. Par exemple. C'est ça. Voilà, où t'avais les maisons Michelin, et là, t'as les maisons Ankama, quoi. C'est ça, bah, si ça se trouve, Ankama possède tout roubé. Ça va s'appeler bientôt Ankama. Alors, ça, c'est très bien, tu vois, quand ça fonctionne. Le jour où ça se casse la gueule, c'est un sinistre, la ville. Oh, après, ça fait. Regardez Saint-Etienne. Ouais, bah, va savoir. Mais. Du coup, moi, je trouve ça fun, en vrai, parce que tu peux visiter. Si ça se trouve, il y a des studios, il y a des musées. Il y a peut-être un musée Ankama, là-bas, ça peut être fun. Moi, j'aimerais bien juste aller à Roubaix, juste pour ça. Pour des expositions. Ouais. Voilà. On va faire une escapade. Une escapade. Un road trip. Ouais, ça pourrait être bien fun. L'idée. Si je vous parlais un peu des doubleurs de Wakfu, parce que je vous l'ai promis tout à l'heure, et je sais que Guélan attend ça avec impatience. Ah oui, parce que je vais faire de même tout à l'heure. Donc, en 2008, la première série Wakfu sort. La première saison, plutôt, pas la série. Ça, je parie que tu comptais le dire, Marguerite. C'est inévitable. Tu vas sans doute peut-être nous parler aussi de la saison 4. Peut-être. Ah, la saison 4, c'est le dernier projet, elle n'est pas encore sortie. Il y a le Kickstarter qui est sorti. Vive la saison 4. En théorie, elle était censée bêtise, va te dire. Oui, tu disais. Non, il est juste content. Ah, il est juste content. Allez, gars. Oui, tu as le droit d'être content. De, et on l'entend pas vomir. En regardant la vidéo là, que j'ai vue sur la saison 4 de Waku. Ouais. On oui, parce qu'ils ont fait une genre de bande-annonce ou Kickstarter, comme tu dis. Un teaser. Et un teaser, voilà. C'est ça. Et yes. Normalement, elle était censée sortir cette année. Mais avec le Covid et tout ça, j'imagine qu'il va y avoir du retard. Donc, à mon avis, ça sera peut-être pour l'année j'ai prochaine. J'ai pas réussi à trouver de date précise, à vrai dire. J'avais trouvé le. Alors, la première que j'ai trouvée, c'était en mars. Mais c'était peut-être le Kickstarter, comme tu disais. Et la deuxième, c'était en mai. Mais bon, que ça soit l'un dans l'autre, ils sont passés. Alors, on n'a pas de saison 4. Donc, bon. On va attendre. C'est ça. En attendant, je peux vous donner le nom des doubleurs, notamment la doubleuse FR de Hugo. Bon, c'est facile, ils sont tous français de toute façon. Hugo, elle s'appelle Fanny Block. Donc à noter que c'est une femme qui. C'est une femme qui fait la voix d'un petit garçon, effectivement. Okay. C'est faut savoir. La, c'est pas la et première. C'est pas la non. première, ce sera pas la dernière, parce que généralement, dans le monde du doublage, quand il y a une voix masculine d'enfant qu'il faut faire, et ben, c'est souvent une femme qui le fait. Parce on que s'en les... rend pas du tout compte, c'est fou. On s'en rend pas compte du tout, et c'est ça qui la flatte d'ailleurs. Pour Bart Simpson. C'est une doubleuse. Bah ouais. Ça, ah ça oui. Pas. Ça ouais. Il y avait quelqu'un d'autre. Comment elle s'appelait la voix de Sangoku aussi, qui est ah très bah solu, oui. Oui, oui. Très connu. Pardon, pas très solu. C'est Sangoku, tu vois, c'est Dragon Ball Z. Oui, mais c'est pas Dorothée justement. Ou... Non, non. Alors non justement. Ariane. Non. Non, c'est pas quelqu'un de l'équipe. C'est possible que ce soit quelqu'un de son équipe. Ah non, non, non, non, non c'est pas, non. C'est quelqu'un bon. Dans l'ombre. Bon. Tu la vois, tu la reconnais pas. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle pourrait faire comme métier? D'accord. Tu sais pas, et dès qu'elle prend la voix de Sangoku, tu dis, ah ouais, quand même. Mais enfant, bien sûr. Bah non, même quand il est. Non, si, quand il est enfant. D'accord. Quand il est enfant. Quand il est adulte, c'est autre chose. Mais bon. Il y a souvent des doubleurs comme ça français qu'on reconnaît leur voix dans plusieurs trucs parce qu'à l'époque, bah, il y avait pas beaucoup de doubleurs. C'est Brigitte. Brigitte Lecordier, ouais, c'est ça. Brigitte Lecordier, voilà, c'est celle qui a fait Sangoku. Ah. Ouais, ton micro a bugué, Guélan. Il t'aime pas et on t'entend plus. Tape dessus. Ouais, une fessée. Non, vraiment une fessée. Voilà, et oui, là ça marche. Là. Non, retape. Toujours pas. Bon. Fessée. Fessée cul nu. Ah. Vas-y. Ok. Voilà. Ouais. Tu sais taper. Il a le geste. C'est horrible. Oh. Donc, oui, c'est Brigitte Lecordier qu'on a Brigitte rencontré aussi à la Japan. Oui, mais ça c'était pour Sangoku. Ouais. Parce que pour Hugo, c'est Fanny Block, et je vais vous dire, elle a fait des choses, pas d'allusion, elle a fait j'ai des choses moi que je connais et je m'en suis jamais rendu compte en fait, tellement ils sont partout, ils sont dans nos campagnes. Non, on dans part pas villes. Là-dessus. Oui, voilà, mais non, en vrai, les doubleurs, quand ils sont quelque part, ils sont dans plein d'autres domaines que tu connais, mais tu les remarques pas forcément. Du coup, c'est toujours les mêmes en fait. Au bout d'un moment, je vais tous les connaître, hein, ils sont 20. Non, je déconne, mais grosso modo. C'est des petits milieux, tout ça. Ouais, c'est ça, c'est pas très développé le doublage français. Mais pour autant, c'est ce qui nous fait un peu rêver, donc faut leur faire un peu de pub, faut parler d'eux. Alors, Fanny Block, elle a fait la voix de Mogi dans FF7 Remake. FF7, c'est un jeu qui est sorti récemment. Mogi, c'est une petite créature appelée Mog aussi. Elle a fait cette voix-là, donc vu que je joue à FF7, je me suis dit, ah bah tiens, je vais glisser ça comme ça. Voilà. Elle a fait aussi la voix de Happy de Fairy Tail. Là, c'est plus connu déjà. Oui. Happy, c'est le petit chat bleu de Fairy Tail, du manga. A fait sa voix, ouais, ça pèse dans le game, mine de rien. Après, moi je les lis plutôt. Tu les lis, donc tu entends pas sa voix. Eh ben. Mais elle a très jolie voix, Fanny, mine de rien. Parce que j'ai écouté des interviews et tout, sympa, sympa. Ouais. Et elle adore justement faire des voix masculines. Et qu'on dise, ah putain, mais c'est une fille qui fait ça. Ah, mais je savais pas, mais on dirait pas du tout. Bah, ouais. Et ça, elle kiffe, elle est en extase devant ça. C'est ce qu'elle disait, hein, c'est ses mots, hein, c'est pas les miens. Elle adore. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Elle a fait aussi Yuki Kono de Sword Art Online. Je sais pas si vous connaissez. S-A-O pour les intimes. Donc Yuki, elle apparaît dans la saison 2 ou 3, je sais plus. Isma, peut-être que tu peux me confirmer ça. Peut-être pas. Ça fait longtemps. Yuki, tu connais de S-A-O? Yuki, bien sûr, de SAO. Et ben, c'est la Yuki. Et ben, sa voix, c'est Fanny Block qui l'a fait. Non, tu déconnes. Si. A fait la voix de Hugo et a fait la voix de. De Yuki, oui, ouais. la petite soeur du protagoniste, si je me trompe pas. Ouais, non. Non, c'est pas la petite soeur qui vole. Non, ça, c'est. Comment c'est pas Tifa. Non, c'est. Non, je sais c'est plus. C'est Tifa Lockhart, c'est dans FF. Oui, ah, c'est que je joue beaucoup à FF, donc j'ai un peu de mal à. Bon. À décrocher. Enfin, bref. Voilà. Mais en tout cas, oui, je vois. Après, malheureusement, SAO, je l'ai pas vu en français, je l'ai vu que en version originale. Donc en japonais. Oui, peut-être que tu. Eh ben, tu rates quelque chose parce que c'est bien aussi en français. faut soutenir un peu le doublage français. Ouais. Oh. Là, vous le voyez pas, mais je vomis des arc-en-ciel. Enfin bref, passons à autre chose. Tristopin, par exemple. Le yop. Le débile. T'as fini ton truc sur le doublage ? Hein ? Tu as fini ta chronique sur le doublage ? Bah non, j'ai toute la liste encore. Ok, vas-y. Pourquoi faut couper ? Non. Ouais, celui-ci, va pas. Je voulais rajouter un truc pour ceux qui aiment vraiment le doublage. Préparez-vous, 2h du matin. C'est d'aller sur YouTube et d'aller voir l'émission Il était une voix, ouais, présentée par Nathalie Carsenti. D'accord. Et Nathalie Carsenti, bon, on la connaît pas forcément. Elle a ressenti quoi ? Que ta blague était mauvaise. Nathalie Carsenti, c'est la voix française de Gamora dans Le Gardien de la Galaxie. Oh. Donc c'est elle qui gère cette émission. Et... J'aime pas du tout ce... Je plaisante. Non, si. J'imagine que voilà, si ça vous intéresse. Allez-y. D'accord. Okay. Voilà. Petite pub pour la voix française de Gamora. Et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur la Dragon Ball Z, je te parlais d'Ariane du Club Dorothée. Elle a fait le générique Ariane de Dragon Ball. C'est ça. D'accord. Mais je savais qu'il y avait un lien, mais. C'est possible. C'était pas ça. C'est très bizarre les génériques français. Hein. Ouais. Bon, ils sont mythiques quand même. Alors, Tristopin, le yop, le débile de la bande. Il est interprété par Thomas Guittard. J'ai rien. Ah oui, j'avais vu le nom. Ouais, bah il est assez drôle. J'aime bien sa tête. Il a 40 piges, mais le mec il fait genre 20. Allez voir sa tête, je vous assure, ça vaut le coup. Il est pas trop doubleur lui, il est plus réalisateur et il a notamment réalisé l'émission de télé Hall of Shame qui passe sur No Life. Je connais la chaîne, j'ai jamais vu l'émission. C'est totalement inconnu. Après, faut connaître les chaînes un peu de manga, de geek. Peut-être qu'Ismaël connaît, parce que je sais qu'il a une petite tendance à aimer les mangas et les jeux vidéo. Isma, oui. Peux-tu me soutenir dans mon élan ? Connais-tu, tu connais la chaîne No Life ? Oui. Est-ce que tu connais All of Shame ? Ça doit être une émission. All of Shame ? Ouais. Ça me dit rien comme ça, je t'avoue. Eh ben, c'est pas grave, on en reste là. On en parlera pas plus. Allez, appelez-nous si vous connaissez. Ouais, c'est ça. Mais bon, du coup, c'est ce mec qui a réalisé cette émission. Il a fait aussi la voix de Tristopin. Et il a pas l'habitude de faire des voix. Mais bon, il a quand même gagné des trucs et des prix, hein, donc ça va. Il pèse dans le game. La doubleuse d'Évangeline, donc la CRA, la chair. Elle s'appelle Geneviève Duong. Donc elle est française d'origine chinoise. Vous en doutez avec un nom comme ça, forcément, voilà. Mais ça s'entend pas du tout son accent, en vrai. Parce que des fois, enfin quand elle parle normalement, elle a un petit accent. Mais quand elle fait ses voix, parce qu'elle a fait plein d'autres trucs, elle a fait Luna Freya de Final Fantasy XV, dans les films ou dans les jeux vidéo, c'est la même chose. Elle a fait Diva dans Overwatch. C'est un jeu... Okay. C'est un des personnages mythiques le plus... Comment dire ? Je sais pas si on dit entaillisé, non. tourné dans des pornos, on va dire. Diva, il y en a partout. C'est horrible. Elle a fait Makomori aussi dans le domaine de Pacific... Enfin, dans le film de Pacific Rim. Ah oui, ok. Elle a fait sa voix. Et là, on sent qu'elle a un petit accent, tu vois, quand c'est fait cette voix-là. Mais sinon, en général, pas d'accent. Elle peut jongler entre les deux, et c'est ça qui est magnifique. Et elle est très très belle aussi. Important de noter. Hein ? Bah oui. Pour un doubleur, non, en fait. c'est vrai pour le doublage, mais bon. Faut leur faire un peu de pub. On a PK Avenger, c'est important de le noter, excusez-moi. Oui, voilà. Et a fait aussi la voix de Ciri de The Witcher 3. Pour les connaisseurs. Oh, tout à fait. Quand même, elle pèse dans le game, quoi. C'est pas n'importe qui. La doubleuse d'Amalia. Donc la Sadida. Donc celle qui maîtrise des plantes. C'est une race aussi dans Dofus. Elle maîtrise des plantes. Elle fait pouf, plante. Ah ouais. Waouh. En vrai, c'est mon... je l'aime pas trop, Amalia, moi. Elle est un peu capricieuse. Ouais. Bon, voilà. Mais bon, je lui envoie un petit tac. Par contre, sa doubleuse, elle est géniale. J'ai adoré comment elle expliquait comment elle s'est inspirée. En fait, elle s'est inspirée de sa fille. j'avais vu ça. Elle dit vas-y, comporte-toi comme une princesse. Et du coup, sa fille se comportait comme une princesse. Puis elle essayait de prendre les traits de ça. Et paf, voilà, une princesse un peu capricieuse, pourricatée. Ah ouais, je parle comme ça et je fais ce que je veux. Mais on serait très mal fait. Ça, mais... en fait. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça donnait vachement. Je sais pas, du. Comment du on appelle ça ? Du cachet, voilà, au personnage. Du cachet. Elle a fait la voix aussi de la princesse Zelda dans The Legend of Zelda Breath of Wild. Donc, c'est un jeu, ça. Si je me trompe pas. Oui, c'est toi Ismaël qui a dit oui ? Non, c'est Gala ? C'est moi. D'accord. Non, moi, Ismaël, lui, ici, pas, il dort. Ah, c'est ça, ouais. Après, tu fais trois choses en même temps, j'ai l'impression, Ismaël, non ? Non, c'est que j'écoute parce que je trouve les sujets très intéressants. Ah, bah, c'est parfait. Ah. Et elle fait aussi la voix de Mei dans Overwatch. Encore. Si. Mais je sais pas qui c'est, Mei. On rêvait depuis tout à l'heure en voyant. Bah, ouais, je sais, mais j'ai pris que des rôles que je connaissais plus ou moins. Overwatch, je connais de loin, mais pas de près. De loin, oh, bah par contre là tu me fais honte. Comme, comme à Alain. Alain, oui voilà, Alain Delou. Alain de loin. Fallait qu'on sketch la des inconnus. J'en ai marre. Alors, nous avons aussi le. Alors, la doubleuse. On en parlait tout à l'heure en off. La doubleur. La doubleuse. La doubleuse. D'Adamaï. Mais quand il est jeune. Donc, dans la saison 1, 2 ou 3. Enfin, la moitié de la 3. Elle s'appelle Dorothée Pousseau. Voilà. C'est... Cette meuf-là, elle a un CV. Je crois que c'est elle où j'ai passé le plus de temps à lire tout ce qu'elle a fait pour choisir les voix que je pouvais connaître. Ouais. Notamment celle de Margot Robbie. C'est la voix officielle française de Margot Robbie. Donc, Harley Quinn de Suicide Squad ou de l'univers d'ici en général. Ou de Birds of Prey, la fabuleuse histoire de Harley Quinn. Voilà, Margot Robbie, normalement, tout le monde la connaît, sauf Théo. Effectivement, t'as vu juste. Ouais. Ah, c'est l'univers J'sais de... Je sais pas ce que je fous là, moi. Tu découvres. Non, mais Aitonia, par exemple, tu connais peut-être. Aitonia. Aitonia. Moi, Aitonia. Sur oui, le biopic de Tony Harding, qui est une patineuse artistique. Eh ben, je connais la patineuse artistique de nom, mais non, j'ai pas vu le biopic. Bah, elle a fait un biopic. Tu connais peut-être le dessin animé Le Monde de Raph ? Ah. Les mondes... Ah, non, Vanellope. Non, même pas. Oui, Vanellope a fait la voix de Vanellope, notamment. Ah ouais ? Ouais. Oh. On dirait pas, elle est Passe-Partout, cette fille. Ah, Passe-Partout, je connais. Ah, elle fait pas sa voix, bizarrement. Ta-ta-ta-ta-ta. Et bien sûr, dans la saison 3, elle est remplacée par Jérémy Prévost, qui reprend son rôle. Lui, j'ai pas grand-chose sur lui, donc... Mais bon, si vous voulez, aussi, elle fait la voix de la babysitter dans Les Indestructibles. Oui. On la voit beaucoup dans un court-métrage... Le court-métrage bébé, c'est ça. Bébé Jack Jack. J'adore ce court-métrage. Oui. Et enfin, on va finir par le plus vieux, doubleur de Ruelle, Patrick Béthoun. Ils ont tous des noms. Ouais. Ouais. Mais sa voix, lui, c'est celui qui a le deuxième CV le plus important après Dorothée. Sa voix, elle est tellement... Bah, si vous avez déjà vu Wakfu, vous allez voir, c'est une voix de personnage vieux, une voix assez rogue, assez... Enfin, je sais pas faire la voix de vieux. Mais bon, cette voix, elle est passe-partout. Enfin, beaucoup de gens la demandent, en fait. Donc, il est fait notamment Alastor Maugrey de Harry Potter. Uh-huh. Folleuil. Ouais, c'est ouais. Joué par Brendan Gleeson. Il connaît l'acteur Berg. Bah, Brendan Gleeson, il joue dans un très bon film que j'ai vu dernièrement qui s'appelle Bon Baiser de Bruges, que je vous invite à voir. D'accord. Il a fait aussi 7h30 la voix de Luxus dans Fairy Tail. Alors pour les connaisseurs, enfin ceux qui aiment les mangas, ouais, tout de suite là on se dit ah ouais, Luxus, ah ouais, rien que ça. Bon, d'accord, ok. Il fait aussi la voix off de One Piece, le manga. L'animé. Le narrateur. La voix off, ouais. Le narrateur dans One Piece. Alors, il en a fait une parce que ils ont été plusieurs narrateurs à faire la voix off, mais lui, ça a été la troisième, exactement. Oui, on va bientôt y aller. On va aller manger parce que avant la musique, pendant la musique, Marguerite a mis quelque chose à chauffer, mais maintenant ça doit être froid. Ouais. Je l'ai mis sous vide. Donc donc effectivement, on va pas tarder. Il a fait aussi la voix dans Fallout 3. Il a fait des ghouls. Des ghouls ? Des ghouls, des zombies. Ah. Oui. Mais dans quoi ? Dans Fallout 3, c'est un jeu vidéo où que bah dedans effectivement c'est post-apocalyptique le milieu. Et un zombie, ça fait pas comme Fallout 4. Si, ça fait ça. Ah ouais, c'est kiffé. Non, et il a fait la plupart des voix de Fallout 3 de ghoul. D'accord. C'est excellent. Non, mais alors qu'est-ce qui comment vous avez évolué dans votre art entre le 3 et le 4? C'est vrai que dans le 3 j'étais plus sur le et dans le 4 on était grosse évolution. Si ça se trouve tu l'as peut-être entendu quelque part. Ah bah peut-être si tu connais Cauchemar en cuisine. C'est à la télé, ça, j'ai pas la télé. C'est lui qui fait la voix de Gordon Ramsay. Non, il fait pas la voix de Gordon Ramsay, il fait la voix off. Ah. Parce qu'il y a un narrateur dans aussi dans. Dans les français ou les anglais? Mais attends, mais où? Français. J'ai dû entendre, effectivement, mais peut-être. Oui, et bah, le mec, il fait la voix off de Cauchemar en cuisine, tu vois, tu passes de voix off de One Piece à voix off de Cauchemar en cuisine. Bah, écoute, il est polyvalent. Polyglotte. Voilà, on n'entend plus Galan, bah, voilà, c'est pas grave. Ah, non, c'est bon, t'entends. Bah, si. Là, c'est mieux. Si on t'entend, mets, ah bah c'est parti. Bon. Oui. Tu sais ce qu'on va entendre d'ailleurs? Une musique. Ouais, il a tout prêt. Oh là là, quelle magnifique transition. On va écouter la musique de l'œuvre à. Alors, je me suis entraîné à le dire, mais c'est dur quand même. Let's get it on. Ouais, c'est un remix. Yes. C'est un remix, effectivement. Parce que l'œuvre à, c'est un DJ. Une? Un? Ah bon? Ah bah c'est un DJ. Ah, j'aurais bien dit une, tu vois. Non, non, c'est un 1. Eh ben, écoutons un DJ. Peak Avengers sur Indestar, c'est mieux que le jeu vidéo E.T. sur Atari. Jusqu'à 23h, la pop culture est à l'honneur avec les Peak Avengers. franchement, même sans avoir joué au jeu E.T., je peux confirmer qu'on est meilleur qu'un jeu E.T. Je vois même pas ce qu'on pourrait faire dans un jeu E.T., franchement. Et ben, bah, tu refais l'histoire. Je t'invite à regarder la vidéo du joueur du grenier qui fait le test de ce jeu vidéo. Non. Et pourquoi t'aimes pas le joueur du grenier? Si, ça va, mais non, je veux pas m'infliger ça. Non, mais juste pour voir ce que tu peux faire. Minutes. Et effectivement, le concept du jeu, si tu veux, est pas trop mal, mais c'est vachement pas bien foutu. Ouais, c'est injouable, en fait, comme jeu. C'est un jeu dans un grenier. Oui, bah il a fini même plus que dans un grenier, il a fini dans le désert. Ils ont enterré, parce qu'il l'avait sorti forcément en grand nombre, parce qu'ils se sont dit ça va cartonner avec la licence de E.T., etc. Et finalement, bah, ils en ont enterré des camions dans le désert parce qu'ils savaient pas quoi en foutre. Même avec les camions, parce qu'ils ont touché les jeux E.T. c'est pire que le Covid, quoi. Mais c'était vraiment nul parce que injouable, quoi. Même si le principe du jeu était pas mal, c'est quand tu sors un jeu qui est pas fini parce que tu te dis ouais, une grande licence, faut le sortir au bon moment, etc. et que tu fais ça en deux pour dire ça va me rapporter un max et ça va rien nous coûter, et ben ça fonctionne pas. Mais ce qui a fonctionné par contre, c'est la série Wakfu. Ouais. Oui. Que Marguerite va nous présenter une fois qu'elle aura fini de se tirer. Oh, parce que vous le voyez pas. Non mais, allez, je commande tout. Non mais je me suis demandé à un moment, je me suis dit tu vas t'envoler. Je te fais pas passer sur une grosse boue parce qu'on a le droit de manger, vous le savez pas, mais on est des humains. Ouais, mais sachant que Marguerite a mangé tout à l'heure déjà. Oui, mais elle a remangé. J'ai pas mangé moi ce midi. Quoi, t'as mangé des crêpes à 17h? Bah à 17h, pas ce midi, qu'est-ce que tu me dis toi? C'est incroyable. Bah alors tu... oui. Bon, bref. Ah, voilà. Voilà, ah, bref. Alors, Wakfu, c'est comment? Bon, en fait, je vais vous parler de la première saison et de la seconde. Et dans une deuxième rubrique, on vous parlera de la troisième et du fameux Kickstarter. Avec un petit quiz. Avec un quiz. Pour voir si vous avez suivi. Oh non, pas les quiz, c'est fatigant. Oh, c'est une petite question. Ça va aller, ça va aller. Le mec, il est déjà en train de dormir sur cette... je l'ai dit au début d'émission tout à l'heure. Pour oui, t'étais fatigué. Écoutez, voilà, aujourd'hui, je suis en mode feignant ou lazy, si vous préférez. En mode avion. Oh, il y a des fois comme ça. En mode avion. J'aime bien l'expression. Bah, on verra ça pour le quiz. Si tu seras toujours en mode lazy ou tu seras à fond, ouais, je veux gagner, je veux la gagne. On verra. C'est ça. Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure et que tu as déjà spoilé, donc... je dois pas faire les gros yeux. La série est sortie la première fois le 30 octobre 2008 sur France 3. Ouais. Elle a été réalisée par Fabrice Nzi. Attends, je suis pas sûre de la prononciation. On va dire Nzi. Non, je sais même pas. Attends. Nzanzi. Je sais pas. Comment le prononcerais-tu? Mais tu demandes ça à Teddy, toi? Oui, mais oui, elle va se dans la gueule. Attends, il va devoir s'entraîner avant de le dire. Nzierzi. Oh, c'est trop facile. Vriadji. Voilà. Voilà, bon bref, vous avez compris l'idée. Donc ça, ils ont gagné d'ailleurs une récompense pour la meilleure série d'animation. Ils ont gagné le prix animé manga Grand Prix de... C'est mérité. Voilà. De France? Pas 2012, pardon. Oui, de France. Ouais. Donc pour faire un petit pitch, à l'époque du Wakfu, au milieu du chaos engendré par Ogrest, Yugo, un enfant aux origines mystérieuses et doté de pouvoirs magiques, part à la recherche de sa vraie famille. Aidé de ses compagnons, appelés la confrérie du tofu, ils vont découvrir qu'un terrible danger pèse sur le monde des 12. Ouais. Et bon, à part que... partez du principe qu'ils vont faire que sauver le monde des 12. Hein. Oui. Dans toutes les saisons, en gros, c'est ça. Saleté le micro, mais c'est un complot végétalien, ça. Végétalien, ça, c'est les végans. C'est un complot végan. La compagnie du tofu. C'est Thomas. La compagnie du tofu, elle s'appelle la compagnie du tofu, c'est pas... La confrérie du tofu. La confrérie du tofu. La confrérie, oui. Il n'y avait pas une raison pour ça? Si. Alors, est-ce que tu sais ce qu'est un tofu? Oui, c'est le fromage pas bon. Alors non, c'est pas du fromage. Non, c'est un petit oiseau. En fait, Yugo a toujours un petit oiseau. Donc, qui s'appelle Az. En fait, quand on mange du tofu, on mange des oiseaux. Az. Oui. Comment il s'appelle? Tu dis Al ou Az? Je crois que c'est Az, il me semble. C'est Az, ouais, je crois que t'as raison. Ça commence par un A et ça finit par une lettre. C'est ça. Donc pour revenir un peu sur les persos, on a donc Yugo, qui est un jeune héliatrope et donc comme on le disait, qui peut faire apparaître des portails magiques. Ouais. On va avoir Tristepin de Percedal, qui est donc un yob bagarreur et un petit, bon, un peu stupide, faut le dire. Comment on le lâche? Il prend trop cher. Ah non, mais il prend trop cher pendant toute la saison. Donc mais c'est un des personnages les plus attachants aussi, je trouve. Ouais, ouais. Il a beau être très con, comparé à Malia, tu vois, je le préfère. Je préfère Yop. Mentalité Yop. Ouais, il a une sensibilité qui est sympa, ouais, mine de rien. C'est vrai. Ouais, il est sympa. Et donc, c'est le gardien du chouchou Rubilax, oui. Qui, en fait, c'est, si tu veux, c'est un démon qui est renfermé dans une épée. Voilà. Parce qu'en fait, il y a des chouchous en fait, dans ce monde où, en gros, t'as des objets, n'importe, genre une carte, et bah tu peux avoir un démon dedans enfermé. Des chouchous. Comme oui, ça s'appelle des chouchous. Genre pour les cheveux. Ouais, pareil. Pour les cheveux, ça s'écrit pas pareil. Bon. J'imagine. Ah. Et quand tu possèdes un chouchou, tu es un gardien de chouchou. Et Tristopin est un gardien de chouchou. Et il a une épée. Et il peut fusionner avec. Il peut faire des trucs. Oh, trop des trucs bien. Très très ouais. cool. C'est très sympa. Ça donne du pouvoir. Et on revient après sur Welchtrud, dont nous parlions, qui est un vieil énutrophe très vénal et qui est un ami du père de Hugo. On a la princesse Amalia Sheramsharm, qui est donc la princesse Sadida, le peuple des forêts. Plante, pouvoir. Donc on va, alors pour le dire de façon plus classe, elle peut invoquer la nature. Voilà, c'est plus joli. Elle a une petite poupée aussi dans l'animé, saloperie. Enfin, je l'aime bien, mais... Ouais, elle peut l'utiliser pour... J'ai jamais trop compris comment elle l'utilisait, à vrai dire. Je sais pas, la jette et Pokéball. Non, je sais pas. Je sais pas, Ismaël, t'en penses quoi? On a perdu. Est-ce que t'as une question scientifique pour nous expliquer comment elle l'utilise? T'as pas réellement d'avis? Ouais, c'est compliqué. C'est pas très grave, elle utilise une poupée magique vaudou. En vrai, elle l'utilise au début, mais bon. Ouais, c'est vrai. On n'entend plus parler. Plus besoin de. Après, les producteurs, les scénaristes, ils se sont dit qu'est-ce qu'on va faire avec cette poupée? Elle a grandi. Ça fait une espèce de poupée vaudou, c'est rigolo. Ah, mais elle attaque avec. Elle fait des trucs. Mais elle n'en a pas besoin finalement, parce qu'elle a une garde du corps, donc Evangeline, qui est elle une cra, donc une fière archère. Qui est très très cool, je trouve. Je l'apprécie beaucoup. Badass. Elle est badass de ouf. Et elle a une petite histoire avec le yob. Voilà. Oh le couja. Oh le couja. Qu'est-ce qu'il dit? Non, rien. Il a dit qu'elle était bonne de ouf. Mais tu vois, Ismaël, ça sent le mec qui a déjà voir sur des sites pas très catholiques. Évangéline ou Amalia. C'est pas très catho tout ça. Il y a rien qui les différencie. Ok, ça c'est dit. Soit. Merci Smel, merci pour ce brin de finesse. Cette analyse très fine. Non mais en vrai, moi je suis un peu comme les Yop, hein. Fonceur et bourrin et. Qui réfléchit pas. Bon, pour revenir à l'intrigue principale, donc Hugo va partir pour l'île d'Oma pour tenter de retrouver ses origines. Parce que même lui ne sait pas au début. Ce qu'il on est. Ne sait pas vraiment ce qu'il est en fait. Il atterrit comme ça, pouf, chez un mec qui tient un resto. Ouais. Et pouf pouf. Chez Alibert. Exactement. Et pouf, ouais, et il se retrouve merci à faire le serveur dans un restaurant. Certains auront la référence. Plus tard, ils vont. Alors, notamment dans la première saison, ils vont donc combattre Noximilien, le Xelor. Si j'ai... Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est un Xelor. Qui est en fait un magicien du temps et qui va tenter de s'emparer du Wakfu de l'arbre de vie Sadida, qui est en fait l'arbre de vie qui recueille, on va dire, les âmes en quelque sorte du peuple Sadida. Enfin, ouais, pas bah, vraiment. Peut-être disons le Wakfu. Le Wakfu, en fait, c'est une. C'est une énergie. On pourrait le comparer à la force, si on veut. Ouais, c'est l'énergie vitale. C'est l'énergie vitale. C'est une énergie qui est très présente dans le monde des 12, qui sert à tout plein de choses, à faire pousser les arbres. Dedans, il y a du Wakfu. Tous les êtres vivants ont du Wakfu. À créer des portails. Les portails sont faits de Wakfu. Le Wakfu, c'est une énergie. C'est un peu comme les chakras. Voilà. Ouvrez vos yakfous. Ouvrez vos yakfous. Non, mais oui, c'est un peu ça. Et écartez vos jambes. Non. Ah, non. Non. Ok. Non, celle-là non. Tu sors vraiment. Okay. Bon, je suis après de la porte. Donc. Et Nox, lui, ce qu'il veut justement, c'est piquer cette énergie pour la mettre dans un cube. Qui est? Le yakube. Ouais. Ouais, je suis bon. Bravo. J'ai vu les c'est trois bien. Saisons. En fait, c'est qu'il l'utilise, il tente d'utiliser la force de l'Héliacu pour alimenter une immense horloge et en fait tenter de faire revenir sa famille du passé. En c'est fait, ça. Parce que, il veut retourner dans le passé pour. Ouais, l'Héliacu l'a rendu fou. Et alors, il y a un épisode hors série qui est très cool d'ailleurs sur ce sujet. Et ça a conduit à la mort de ses enfants et de sa femme. En sachant que la machine a remonté dans le temps, tu ne peux remonter dans le temps que de 20 minutes. Mais ça, il l'apprend qu'à la fin. Tu le savais? Mais évidemment. Mais non, c'est quand. Comment ça, tu savais? Mais le spoil, mais c'est moi qui te l'ai dit en plus. C'est fou. Ah oui, parce que ouais, au final, il arrive à avoir assez de Wakfu et tout, et il dit ouais, c'est bon, allez hop, on y va. Ah, on spoil 20 total, minutes. Hein. Ouais, mais c'est pas vraiment du spoil parce que ça fait quand même un petit moment. C'est si tu spoil mais la fin de la saison 3. Tu l'apprends qu'à la fin, tu te dis il va y arriver. C'est j'ai rien dit. Merci Yann. Mais une fois que t'as remonté les 20 minutes, tu peux encore. Ah. Non, parce que le cube est déchargé. Bah oui, donc il faut recharger. Donc il a piqué je sais pas combien d'énergie juste pour 20 minutes. C'est vraiment pas il a passé quoi 200 ans? Non, je sais plus combien de temps il a passé pour récolter son Wakfu. Et puis l'arbre de vie Sadida recueille quand même l'âme de tout le peuple Sadida. Donc voilà, ça pèse son poids. Ouais, ça pèse en plus, il fabrique des chaussures. Ouais. Bah, Adidas. Oh. Adidas. Ah pardon, on est à l'antenne. C'est incroyable. Puma, Redbox. Trois marques. Voilà, c'est fait. Excellent. Oh, donc il faut pas de chaussures. Juste pour savoir qui a vraiment vu tous les épisodes. Qui a vu toutes les saisons? Moi, mais j'ai pas vu tous les hors-série et les films, j'en rappelle moyen. Okay. Non, je crois que je suis aux abonnés absents. Isma, okay. Peut-être, t'as vu tout, Yann, toi? Je te demande pas. Moi, j'ai vu les trois saisons, si je me trompe pas, et ouais. La quatrième, je l'attends. Tu l'attends parce impatiemment, ok. Je sais qu'il y a un court-métrage, le tout premier court-métrage qui est sorti, c'est un court-métrage sur la vie de Goultard. Donc, Je l'ai pas vu, celui-là. Bah moi non plus. Le Goultard. Ouais. Goultard. Comme on veut. C'est en fait c'est un dieu yop. Oui, pardon. Autant pour moi, c'est le dieu yop en fait. Ouais. Avant que ce soit triste pas. Oui, parce qu'il existe. Putain le bâtard. Parce que ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que donc il existe. On parle du monde des 12, mais en fait il y a pour chaque race, on peut parler de race. Un dieu. Un dieu. Voilà. Et lui en l'occurrence c'est le dieu yop. Mais il est sympa, on le voit au début, et il est cool comme gars. Il est très, très, très, très laiteux. Ouais. Hein? Non mais avec le yop. Non mais. Ignore-le. Bah le lait du yop. Oui, non, on a compris. Il est un peu laiteux. Yes. Ah, je crois que j'ai une mentalité de yop. J'ai pas compris ça. T'as du lait dans le cerveau, quoi. Oh. C'est pas bon. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les persos. Notamment, et les relations qu'ils ont entre eux sont très très cool, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses. Qu'en penses-tu? Rien. Rien du tout. Non, si, franchement, j'adore. Ils sont, comme tu as dit, ils sont très attachants. Tu as envie, en fait, de faire l'aventure avec eux. Quand tu vois ça, t'es là, t'es à fond. Alors, moi, à mon époque, t'étais jeune, tu rentrais de l'école, tu mettais la télé. T'as envie de regarder Wakfu. Tu t'attends juste tes deux épisodes. Tu regardes ça. Et puis, ce qui est sympa, c'est que vraiment, ce qui est cool avec la première saison, c'est vraiment tu découvres. L'univers, tu découvres les différentes races. À chaque fois, pourquoi tu rigoles? Pardon, toi? Mais on dirait les mecs de The Voice, genre un vrai univers et tout. Ouais, ça m'a fait rire. Voilà. Ah mais c'est pas pareil. Hein, je préfère Wakefu à The Voice. Hein. Je pense qu'on est tous d'accord. Non mais les mecs qui chantent, ouais t'as un vrai univers. Non, t'as une galaxie. Dédicace à Florence Foresti. Merci. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là, je pense. Enfin bon. Tu m'as coupé dans mon élan. Moi j'ai une question dans pour toi. Ton cerf. Vu que t'as vu Wakefu, oui. C'est quoi ton personnage préféré si t'en avais un? J'irais Évangeline. Parce qu'elle est. Ah, je la trouve géniale. Elle blonde, forte poitrine. Non, alors. Non, ça c'est Isabelle. Parce qu'elle a un fort caractère. Oui. Non, mais parce qu'elle a un fort caractère, parce que c'est une vraie combattante. Et je la trouve juste cool. Ouais. Puis je trouve que c'est un des personnages qui prend le temps à chaque fois de réfléchir à la situation. C'est vrai. Bon. Une femme. Oui. Une femme. Ouais, c'est une femme. Ah oui, oui. Et ton personnage préféré, ce serait quoi? Le perso principal. Hugo. Pas bête, pas bête. Théo. Moi, j'aime bien le fait qu'il crée des portails et tout. Ouais, il est vachement badass. Hein, Moi, j'aime bien aussi le fait qu'il crée des portails. Ouais, tout pareil. Non, ce qui est sympa, c'est que dans ces deux saisons, il se développe vraiment. Oui, c'est vrai, il grandit, on le voit évoluer, on voit même sa relation, parce que dans la saison 1, on le voit... Alors, je sais pas si on le voit très bien, mais il est amoureux quand même de la princesse. Un petit peu. Il est pendant tout le temps. Et, voilà. Et d'ailleurs, ce qui est super, et on le voit dans le Kickstarter, c'est qu'il devient enfin adulte. Ouais. Parce que ce que c'est vous... Bizarre, alors, le truc, adulte. En fait, c'est qu'il est... comment? Hugo, il devient adulte. Il devient adulte dans la saison 4, il devient adulte. Et en fait, ce qu'on découvre et ce qu'un vrai poids pour lui, en fait, c'est qu'il vieillit différemment des autres. C'est-à-dire que quand il a une période juvénile très longue. C'est ça. Je vois. C'est ça. Donc quand Amalia va avoir. Parce que 60 début, ans, lui, il aura. Qu'au début, elle a 13 ans, on dirait pas, mais elle a 13 ans. Quand elle va avoir, je sais pas, la vingtaine, lui, il va toujours avoir l'air d'un gamin, en fait. Et il grandit d'un coup. Ben, on sait pas. C'est le mystère. Ben, parce que on c'est vrai que dans le trailer qu'ils ont mis, on le voit adulte, mais est-ce que c'est quelque chose? Est-ce qu'il a été dans le temps? On sait pas. Sachant qu'en plus, bon, on en parlera tout à l'heure, mais on voit qu'il s'est. Le peuple héliatrope est dans le monde Sadida, sauf qu'il a beaucoup changé, il y a beaucoup de technologie héliatrope qui est apparue. Ouais. Et on ne voit pas le peuple Sadida, donc on ne sait pas trop. Est-ce qu'il y a un lien entre les peuples? Est-ce que. On ne sait pas. Qu'est-ce mais on en parlera tout à l'heure. Et j'espère qu'ils ont changé le doubleur aussi, parce que sinon ça sera bizarre. C'est vrai que la voix devrait changer normalement. Isma, toi, ton personnage préféré, ça serait quoi? Moi, ça serait Ruel, personnellement. Bizarre. Ruel vieux, je m'attendais à ce qu'ils disent les filles, mais non. Le vieux pervers, bien évidemment. Ah bah oui, voilà. Ah ben bah, j'avais raison, c'est un tortue génial de plus. Il est pas vraiment pervers, Ruel. Ouais. Par contre, l'argent... Surtout vénal. Je peux dire que l'argent... Ouais. Ah, mais pervers envers l'argent, attention. Ouais, non, le moindre camin. Vous prenez mes paroles dans le mauvais sens, là. Oui. Ouais, mais comment tu l'emploies? On te connaît, Isma. Merci pour cette réponse qui me touche droit au cœur. Ah. Du coup, oui, toi, ça serait Ruel, Hugo, Evangeline. J'aime bien Adamaï aussi. Surtout quand il est petit. Et toi, Teddy. Je l'aime pas trop, moi. T'aimes ouais, pas Adamaï. Il devient chiant dans la saison 3. Ah oui, ouais, alors, c'est vrai. Dans la saison 3, je dis pas. Mais au début, la relation qu'il a avec Hugo. Alors, oui, parce que. C'est pour, Yann, par exemple, ou, et pour les auditeurs qui ne peuvent ne pas connaître, en fait, Adamaï est le frère dragon de Hugo. Chaque. Alors, pas chaque héliatrope, mais. Oui, si les rois héliatropes, si on peut dire. Ouais, si, c'est. Ont un frère dragon. Ou Inès par deux. C'est ça. Ouais. C'est cool. Ah, comme, mais bon, comme les jumeaux. Ouais, ouais, c'est ça. L'un un aspect, mais il y en a, c'est humain, un dragon et l'autre, c'est un humain. Voilà, c'est ça. Enfin, ouais, enfin un humain. Ça ressemble à un humain, ouais. Voilà, c'est ça. Et moi, comme mon personnage préféré, et ben, vu que vous avez dit des gens, moi je vais dire d'autres. Eh ben, vas-y. Non, puis même, j'ai regardé le film récemment. Avec Ogresse quand il pleure, avec les dragons primordiaux. Mmh. Donc, c'est un film où, en gros, Hugo et Tristepin vont se retrouver devant la scène. Ils vont aller affronter Ogresse. Ogresse, c'est genre le dieu des dieux. Il a six œufs. De ça, c'est dans la saison 2. Dofus, on dit oui. Pardon. Ouais, mais des Dofus, on n'a pas expliqué ce que c'est. Non, c'est un film. C'est un film pour teaser la saison 3, je crois. Je crois, c'est ça, Isma. Non, du tout. Le film se passe entre la saison 1 et la saison 2. Ah bon, bah c'est pour teaser la saison 2 alors. Voilà. Et du coup, ils vont y aller et on va découvrir que Tristepin, eh ben c'est. Est-ce qu'il faut. On peut le dire. Chut, on le dit pas. Ah d'accord. Non, okay. Je suis désolée, il y a déjà eu trop de spoil. Il est en couple avec Evangeline. Oui. Voilà. Et il est c'est en couple vrai. Avec Evangeline. Et on en reparlera tout à l'heure. Il va avoir des enfants. Mmh, voilà. Et on en reparlera tout à l'heure. Et c'est exactement. Peut-être parce que j'ai vu ça et que j'ai revu le film avec ses deux enfants et la profondeur qu'il a en fait quand il va affronter Ogresse. Mmh. Parce que lui seul est capable de pouvoir l'affronter. Parce que Ogresse c'est un dieu, il le démonte. Donc voilà, Tristepin il va parce qu'il a certains pouvoirs. Bah, je crois que c'est Tristepin mon préféré en vrai. Mais on en reparlera j'aime tout bien. À l'heure. J'aime bien son côté naïf. Ouais, on en reparlera tout à l'heure. Mais cela. Ne nous regarde pas. Tout de suite après la pub. C'est ça. Voilà. Moi, ça serait Tristepin. Ouais. Ok, ok, bah, Tristepin. D'accord. Voilà. Il devient. Enfin, tu vois quand même qu'il. Je dirais pas qu'il devient plus intelligent, mais. Il évolue. Il devient plus mature, entre guillemets, ouais. Et il devient papa. J'ai le droit de me correspondre à ça. Il devient papa, ça lui change tout, ça lui donne des nouvelles forces, notamment quand il voit ses enfants s'ils sont attaqués. Ouais, bah, je te déglingue parce que je suis un yop et parce que je suis papa, donc ça fait deux forces très. Très brute. Et puis en plus, il a une fille yop, alors c'est. Ouais. Ça part en parce que il a une fille et un fils. Ouais. Mais le fils, du coup, c'est l'archer qui est plutôt calme, c'est réservé, qui se fait taper par sa sœur. Et sa sœur qui est brutasse. Ouais, je te démonte. Ah, à son premier combat dans la saison 3. Oui. Ah, c'est tellement il bien. Il démonte des méchants, putain. C'est trop bon. C'est mais trop bien. Voilà. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure de la saison 3. Et on fera le quiz aussi. Oui. Mais avant ça, ce sera Gaëlian qui va nous parler d'un film, Mutafukaz. Mutafukaz, yes. C'est un film créé par Onkama, mais je sais pas de quoi il parle. Du coup, tu vas nous expliquer ça. Bah oui, j'ai plein de choses à te dire aussi dessus. Ah ouais. Ah, plein. Et ben on va écouter tout ça. On écoute une musique avant, et après on parle de Mutafukaz. C'est parti. Et la musique, vive la musique. Oui, vive la musique. La musique, ça va être de Mary Jane, Make It a List. Fais une liste. La musique, ouais. C'est bien, vous voyez. Bah, faites une liste. Et moi, on m'a pas demandé mon personnage préféré. C'est quoi ton personnage? Comme moi. Comme c'était moi. Boulevard. Boulevard, ok. C'est le père de Ruel. Il y a des ruelles et il y a des boulevards. Bah oui. Chaque jeudi jusqu'à 23h, PK20h sur Indestar. Alors, je sais pas pour vous, mais le titre s'appelait Make a List. J'ai entendu la fin de la musique, enfin, j'ai entendu la musique, mais la fin ça disait cigarette. C'est le seul mot que j'ai retenu. Ouais. Ouais. C'est peut-être sa liste de courses. C'est ça. J'ai dit cigarette sur la liste de courses. Et tu sais que Mary et Jane du champagne. Était professeure. Et peut-être qu'elle est encore professeure. C'est peut-être sa liste de fournitures scolaires. Des cigarettes. Mais peut-être. Dans c'est une française en fait. Oui. Bah, ouais, faut le dire parce que c'est chanté en anglais, mais c'est une française. C'est vrai que c'est étonnant. Non, il y en a plein. Mais faut le dire quand même. C'est tout le monde fait ça. Oui, c'est vrai. Pour être plus connu, pour être mondialement connu, vaut mieux parler en anglais qu'en français. Ah là, elle est connue. Tout le monde. Elle passe sur Indestar. D'ailleurs, Indestar, oui. Si vous voulez, vous pouvez retrouver notre podcast sur indestar.fr. Et si vous voulez réagir à l'émission qui est une spéciale en Kama ce soir, vous pouvez nous appeler au 09 70 407 306. Puis c'est tout ce que j'ai à vous dire, hein, de toute façon. Oui. J'ai pas grand chose de plus, hein, vous avez juste à nous écouter. Voilà. Gaëlan va nous parler de Mutafukaz, un film créé par Onkama. Avec grand plaisir, ouais, qui participe, qui produit. Qui fait tout Onkama, ouais. C'est vrai. Ils font tellement de choses que. Ouais, ils font plein de choses et de belles choses. D'accord. Donc alors, Mutafukaz, c'est réalisé par Shojiro Nishimi et Guillaume Renard. Guillaume Renard qui a un surnom Run. Oui. R-U-N. Hein. Voilà, donc Guillaume c'est... Renard qui a l'air vachement plus français que l'autre. Hein. Ah oui, parce que c'est une collaboration. Mmh. Et c'est un animé, un film d'animation de science-fiction qui dure 1h35 environ. Donc je me suis ramené avec... Blu-ray, il y a la pochette. Je suis ramené avec l'édition spéciale Blu-ray. Voilà, comme ça, je vais pouvoir vous lire le synopsis qui est derrière. On est pas sur du simple DVD, Teddy. Là, on est sur du Blu-ray, là, édition spéciale. Édition spéciale, et je vais vous dire pourquoi. Mais avant tout, je vais vous lire le synopsis. Alors, Angelino est un jeune loser parmi tant d'autres à Dark Meat City, une mégapole sans pitié sous le soleil de Californie. La journée, il livre des pizzas dans tous les recoins de la ville, et la nuit, il squatte une chambre d'hôtel minable avec son coloc Vince, et une armada de cafards qui font désormais un peu partie de sa famille. À la suite d'un accident de scooter lorsque son chemin a croisé par inadvertance la divine Luna, une fille aux cheveux noirs, notre jeune Lascar commence à souffrir de maux de tête et d'étranges hallucinations. Des hallucinations, vous avez dit ? Peut-être pas. Pourchassé par des hommes en noir, Angelino n'a plus aucun doute. Il est pris pour cible, mais pourquoi lui ? Et voilà. Donc, le premier point que je note, c'est que ça sort totalement de l'univers Cosmos. Carrément. Mais en fait, ce qui est... la ressemblance, c'est les dessins, finalement. Oui, la patte graphique. Ouais, c'est la patte graphique. Et donc oui, je disais plutôt que je m'étais ramené avec l'édition spéciale Blu-ray, puisqu'à l'intérieur, vous avez le film. L'artbook. Et vous avez aussi un autre Blu-ray pour les bonus. Ouais. Mais vous pouvez retrouver à l'intérieur, en fait, des croquis concernant le film. Storyboard, peut-être ? Non, c'est pas un storyboard. C'est des croquis qui ont été faits, des esquisses avant le film avec des annotations. C'est pour ça que tu l'as acheté en... japonaise. Ouais, bah, en fait, je l'ai acheté dès sa sortie, c'était en février 2018. Et j'en ai entendu parler déjà parce que je l'attendais. Et ensuite, j'ai eu la chance de faire un stage dans une boîte de montage son et de mixage qui a fait le mixage de ce film. Ça, c'est quand même cool. Bah ouais. Classe internationale. Quelle chance. Donc, j'ai pu rencontrer Steven Guti, qui était le président de Yellow Cap Studio et qui a fait le mixage. Et vraiment. Mais du coup, incroyable. C'est un film totalement français, réalisé par des Français. Oui. Tout à fait. C'est beau ça. Tout à fait. Qui s'est retrouvé au festival Gérard Meur. J'avais vu ça. Un festival. Pour ceux qui connaissent pas, il a été bien noté d'ailleurs, je crois. Parce que moi je connais les trucs de Cannes. Alors, il a eu le prix du jury jeune de la région Grand Est et la meilleure musique originale qui est composée par le groupe The Toxic Avengers. Tiens. Et pour répondre à ta question, en fait, le festival Gérard Meur, c'est un film qui. Je te laisse vas-y, présenter. Vas-y, si tu veux. C'est le festival international du film fantastique. D'accord. Donc tu vas y retrouver des gens comme Christophe Jean. Oui, c'est peut-être plus intéressant que le festival de Cannes. Est-ce que tu as Ouais, mais il n'y a pas le tapis rouge. Non, il ouais, n'y a peut-être pas les marches. Rouge. Non, mais il y a peut-être des tapis noirs avec des trucs stylisés plus dans le fantastique, tu vois. Non, mais un très bon festival pour ceux qui sont amateurs de films fantastiques et d'horreur. D'accord. Donc je vais parler de doublage, comme tu as fait tout à l'heure, Teddy, parce que moi aussi j'ai l'occasion de parler de doublage dans Crypton. J'ai pensé à toi quand j'ai fait ça. C'est gentil. Je pense à toi, souvent. Donc pour ce film, on a la chance d'avoir le duo des casseurs-flotteurs. Orelsan et Gringe. Ouais. Donc Orelsan fait la voix d'Angelino, le personnage principal, et Gringe fait la voix de Vince, son meilleur pote, son colocataire. Ensuite, on a Redouane Arjan qui prête sa voix à Willy, qui est leur copain. Kelly Marot qui fait la voix de Luna et Féodor Atkin qui fait la voix de Mr. K. D'accord. C'est qui Mr. K ? Mr. K, c'est le grand méchant de l'histoire. Okay. Mais j'y viens plus tard. Et d'accord. Là, je vais vous parler justement des personnages. Donc, Angelino, c'est un jeune homme qui n'appartient à aucun gang de Dark Meat City. Il enchaîne les petits boulots et rêve un jour de pouvoir quitter la ville avec son colocataire. Et Vince, son colocataire, ainsi que son meilleur ami, il est suspicieux et anxieux de nature. D'accord. Et alors, Willy, est-ce qu'on pourrait appeler le ton micro non toujours décidé. Pas voilà. Ouais. C'est une bonne claque sur le cul ferme oui tout ce que j'aime et une petite clou sur le cul des verres. Donc Willy, est-ce qu'on pourrait appeler le troisième mousquetaire de la bande? Il est égoïste, sans gêne, une vraie poule mouillée, mais qui devient attachant au fur et à mesure du film. D'accord. Ensuite, on a la mystérieuse Luna, qui est une jeune latine ensorceleuse qui a su s'emparer du cœur d'Angelino. Et quant à l'antagoniste de l'histoire, qui est Mr. K, c'est le big boss des machos qui tire les ficelles à la Maison Blanche. Un caractère sinistre. À la Maison Blanche? Oh, c'est comme ça que. Son micro, il s'appelle son repère. D'accord. Ah oui, un caractère repère, sinistre et intransigeant, il règne sur ses sujets avec une main de fer. Personne ne remet en cause son autorité malgré ses accès de rage, parfois irrationnels. Et alors, j'ai parlé des machos. Les machos, c'est des entités cosmiques, protéiformes, pouvant prendre l'apparence de n'importe quel autre humain ou animal. Leur but, conquérir le monde en exploitant toutes les ressources. Okay. Ça change de l'image des machos que je me faisais. Quand il m'a dit le roi des machos. On peut dire les machos ou les machos. Okay, c'est toi qui vois. Mm-hmm. Alors pour revenir au doubleur, donc on a Olsen tout d'abord pour Angelino, qui est adepte du travail de doubleur puisqu'il n'est pas à son premier personnage d'animation, car vous pouvez l'entendre dans la super série animée One Punch Man, ouais, où il donne sa voix à Saitama, le héros principal de l'histoire. Si on peut faire une petite aparté là-dessus, qu'est-ce que vous pensez de la voix d'Orelsan dans ce qu'il a doublé, donc dans Mutafukaz pour toi? Est-ce que tu as vu ce One Punch Man aussi, j'imagine? Oui, par qu'est-ce contre, que j'ai dû voir la saison 2 en VO puisqu'elle n'a pas été encore doublée. Je trouve qu'il correspond bien au personnage un peu blasé. D'accord. Voilà. Isma, tu l'as vu aussi, j'imagine? J'ai pas vu Mutafukaz, mais j'ai regardé One Punch Man, mais en version originale, donc je pourrais pas donner un avis là-dessus. Vraiment, connard. Non, soutiens les Français, quoi. Il correspond vraiment au personnage. Puis dans la saison 2, il a la chance de participer à l'opening. Oui. Et de chanter, c'est vraiment chouette. J'ai hâte de voir ça. Ouais. Et moi j'attends la saison 3 qui va sortir en 2021, je pense. Oui. Très d'accord. Certainement. C'est possible. Parce que pour One Punch Man, quand j'ai entendu sa voix, je trouvais que ça prêtait bien, comme tu as dit, son côté blasé, son côté ah ouais, pauvre voix posée un peu comme ça. Ouais. Ça le fait super bien. Bah ouais, parce que c'est un personnage qui s'ennuie finalement parce que il bat tout le monde d'un seul coup de poing et l'ennui s'installe. Ouais. Pendant ce temps-là, on a Ismaël qui est en train de fermer sa fenêtre. Il ferme sa volée. Non, du tout. Je pensais que c'était ta nouvelle scie. En train de tourner sur ma chaise. Ton bandit, il est en train de faire du bois pour l'hiver. J'ai acheté une scie sauteuse chez Lidl. Tu m'en diras des nouvelles. Je sais pas de quoi marcher. Ah mais pas de soucis, hein, je vous envoie la photo là. On rebond sur votre podcast. Donc alors c'est une première pour son partenaire Gringe, deux amis de longue date qui forment le duo des casseurs-flotteurs et qui se sont donné la réplique sur grand écran comme avec le film Comment c'est loin ou comme sur petit écran avec la série Bloqué, développé par Canal+. J'ai tendance à bloquer. Pardon. Oui. Ça c'est... Mais c'est leur c'est d'accord. Ah ouais. Ouais. C'est cool. Ouais. Ensuite, on a Kelly Marrow, qui est plus qu'une simple voix, puisqu'elle est la voix officielle de plusieurs actrices américaines, comme celle de Jennifer Lawrence dans la saga des Hunger Games. Oh, okay. Juste ça. Juste oui. Ça, ouais, juste ouais. Ça. Jennifer Lawrence dans Happiness Therapy, ou encore dans Mother de Darren Aronofsky, okay, qui est le réalisateur, entre autres, de Requiem for a Dream. Ah, j'ai vu. Ah, je connais. Intervention de Théo, un point. Mettez-les. Point Théo. Ovation. Depuis le début de l'émission, je suis là. Ils vont bien donner un nom de titre de film que j'ai vu. Bah oui, voilà, il est arrivé. Évidemment. Elle est la voix française également de Sophie Turner dans les deux films de la saga X-Men, donc à savoir Apocalypse et Dark Phoenix. Ah oui, bah ça. Mais Sophie Turner, vous la connaissez parce qu'elle joue dans Game of Thrones. Oui. Aussi. Oui. Et justement, ma question, est-ce que du coup, elle fait aussi la voix de Sophie Turner dans Game of Thrones ou pas du tout? Non, pas du tout. D'accord, donc c'est pas sa voix officielle. C'est juste dans les deux derniers opus de la saga des X-Men, tout d'accord. Simplement. Et enfin, pour terminer, on a Féodor Atkin, maître du doublage français. Étant donné qu'il double William Hurt dans une vingtaine de films, mais les plus récents étant Captain America Civil War et Avengers Infinity War, puisqu'il joue le secrétaire d'État Thaddeus Ross, nommé Ross. D'accord. William Hurt, je pense que vous voyez qui c'est dans le MCU. Non, tu vois pas qui c'est. Je vois pas qui c'est. C'est le chef militaire dans Captain America Civil War, c'est lui qui vient chez les Avengers pour leur faire signer le contrat. Il a une moustache. Ah, Ross. Ouais, c'est Ross. Ah, mais attends, mais c'est, oui, un Avenger. C'est Ross, ok. Non. C'est confondu. Le secrétaire d'État. Tout simplement. Si, je vois. Ouais, ok. Ça va, trop de pression. Voilà, entre autres, il fait la voix de William Hurt, mais d'accord, aussi la voix de Ben Kingsley. Donc ça va te parler, puisque Ben Kingsley, il joue dans Prince of Persia, voilà, ou dans Hugo Cabret. C'est la voix aussi de Hugo Weaving, puisque Hugo Weaving joue dans la saga des Seigneurs des Anneaux, il joue Elrond. Et même dans Captain America, Crâne Rouge. Et pour terminer, il double aussi Uglory dans la série Doctor House. Et bien d'autres encore. Il a quand même des grosses affiches. Quoi. Ouais, Féodor Atkin, c'est... The best of the best. C'est une voix avec ténébreuse. Ma Dorothée. Il me semble que si je me trompe pas, c'est la VF aussi de Christopher Lee dans la saga des... Non, pardon, je dis des conneries. Non, c'est juste Elrond. Bah oui, non. Je vois pas pourquoi je me disais que c'était peut-être Christopher Lee aussi, mais non. Bah Elrond, c'est déjà pas mal. Ouais, Elrond, c'est déjà bien. Et on passe maintenant à la dernière partie qui est les anecdotes autour du film, comme j'avais l'habitude de faire. Ça, c'est une spéciale petite Krypton, ça. Non, c'est c'était ça. Une petite spéciale PK Avenger. Oui, c'est vrai, il faisait ça avant, mais après. PK Avenger, ouais. Il a parlé d'un Krypton. Il y a plein. On retrouvera peut-être l'année prochaine d'ailleurs, Krypton. C'est sûr qu'on reprend l'année prochaine. Avec grand plaisir. Ça revient. Donc, Mouta Focas, il faut savoir qu'à l'origine, c'est une série de bandes dessinées françaises développée par Run, donc c'est Guillaume Renard. Publié pour la première fois en 2006 et vendu à 145 000 exemplaires dans le monde. C'est pas ouf. C'est pas énorme, faut se le dire. Ouais. Mais Mouta Focas, si vous voyez le film, c'est d'abord un hommage qu'a voulu rendre le réalisateur à Los Angeles, une ville qui le fascine depuis toujours pour son histoire, son atmosphère et son multiculturalisme. Mais du coup, j'ai une question. Il est français, ce type ? Oui. Ouais. Oui, Guillaume. Parce que je sais qu'en Kama, ils ont développé des studios un peu ils partout. Ils ont développé plusieurs branches. C'est ça, mais bon, par exemple, la salle du Japon, elle a fermé. Celle dans d'autres pays ont fermé, donc je me demandais s'il n'est pas d'une autre branche. C'est dommage. Oui. C'est ça. Moins de rémunération. Ils ont besoin d'argent, hein, quand même. Donc si Mouta Focas est un film d'animation porté sur l'action, le réalisateur Ron explique toutefois avoir voulu traiter des sujets profonds comme la quête d'identité, notre place dans la société, l'amitié et l'amour. Oh. Hein quant au graphisme, il mêle la culture West Coast, les références issues de série B et de l'âge d'or de la SF américaine. Donc West Coast, okay. C'est tout ce qui est rapport à Los Angeles et à la Californie. Doug Doggy Doggy Dog. Voilà. Non, c'est de la côte ouest. Ah non, West Coast, mais c'est la côte ouest. Ah, je me suis trompé. Ah merde. Je suis sur toi. Donc Mouta Focas fait le choix de l'animation traditionnelle à l'heure des productions qui privilégient les images de synthèse et a fait appel au studio d'animation japonais Studio 4 Degrés. Une centaine de dessinateurs ont conçu des milliers de croquis et ont coloré à la gouache les décors qui ont ensuite été numérisés. Voilà, un gros projet qui a pris des années quand même Parce de que développement. La gouache, ouais. Ça fait quand même, il me semble que Mouta Focas, on entendait de parler depuis 5 ans, genre depuis 2013. Ouais. Et ça s'est sorti en 2018. C'est un long projet qui sur la durée. En même temps, mais qui a porté ses fruits. Je me pose la question un petit peu parce que Ankama, pour moi, ils sont spécialisés dans l'univers Cosmos. J'ai lu beaucoup de choses, donc en fait, ils faisaient tout en tournant autour de ça. Du coup, pour moi, tu amènes un film qui n'a rien à voir du coup avec l'histoire de l'univers. Non, mais c'est juste que ils ont voulu prendre un risque quelque part. Bah, ils ont voulu prendre une initiative qui a donné plutôt une bonne chose. Ça a porté leurs fruits, comme on dit. Et je sais pas. Même je vous conseille la BD, puisqu'en fait le film ne traite que des deux premiers tomes. Ouais. Voilà, moi on me l'a offert pour mon anniversaire. J'ai eu en fait tous les volumes reliés. En fait, ça me fait une énorme BD que j'ai pas pu ramener là. Mais. Faut pas l'abîmer, c'est un blister. Il a loué un garage pour la stocker. Ouais. J'ai mis une vitrine aussi. Et tu penses qu'ils vont faire une suite ? Non, je ne pense pas. Non, je pense que ça s'arrête là et j'espère qu'ils vont développer d'autres projets. Par la suite. Et c'est un film animé ou un Ouais, c'est simple question. Bah oui, non, mais t'as raison. Ne me tirez pas dessus. T'inquiète. D'accord. Et bah, je pense qu'il est à voir du coup. Très. Parce que ça me donne un peu envie quand même. Puis j'ai envie de voir en fait ce que peut donner Ankama hors de leur domaine en fait, enfin hors de ce qu'ils font d'habitude. C'est plutôt des séries, des jeux vidéo, tout ça là. Ouais, c'est ça. Mais ils tournent tous dans le même. Dans les mêmes graphiques, dans les mêmes univers, hein. Quoi qu'il arrive, ce sera toujours des héliotropes ou des. J'ai oublié le reste. Des sanidas, des cras. Ah, voilà. Généralement, c'est toujours ça, mais là, du coup, ils font quelque chose d'autre qui a l'air plus réaliste, entre guillemets. Même si non, c'est un peu fantastique. Et ça donne un autre format déjà. Ouais. Et ça pouvait paraître pas gagné, mais non, ils sont sortis. Beau film. Il est dans mon top 100. Il est dans ton top 100. Il est dans mon top 100. Oui, parce que alors le top 100, qu'est-ce que c'est le top 100 ? Le alors, top 100 maintenant ça devient une mode, mais on a fait ça avec le SVA, le studio venu d'ailleurs. C'est ça. On a réuni 10 personnes, on leur a demandé de prendre leur top 10 et d'en faire une vidéo à la mode In The Panda qui nous a. Ah non, c'est toi qui l'as monté. C'est toi qui l'as monté. Ouais, c'est moi qui l'ai monté. Moi j'ai pas fait de vidéo. Et c'était pas toujours simple parce qu'il y en a un qui avait en top 6. On s'est retrouvé avec les mêmes films. Ah, c'était compliqué. C'est pas évident. Mais du coup, c'est celui qui avait celui qui était plus haut dans sa liste, paf, donc Claude devait choisir un autre film. Voilà, du coup, ça vous fait un joli top 100 de films du SVA. Franchement, on le mettra peut-être sur Indestar, comme ça si vous avez envie de regarder 100 films, et ben voilà. On vous donnera vous avez, un petit partenariat. Au prochain confinement, il y a moyen de se faire plaisir. C'est ça. Alors, faut peut-être pas tout regarder d'un coup. Hein, mais... Le mec qui les enchaîne, ah oui, on va dire, à la suite, bon. Vous faites des pauses, vous mangez, vous vivez un petit peu. C'est important parce que sinon on aura des morts sur la conscience. Sans compter que dans ces 100 films, forcément il y en a déjà que vous aurez déjà vu. Bah, évidemment. J'espère au moins... que vous allez en découvrir. Oui, voilà, c'est ça le plus important. C'est tout sur Metafocal. C'est tout pour moi. C'est tout pour moi, je rentre. C'est déjà pas mal. Non, mais pas de problème. T'as dit quoi, Esma? J'ai dit ça fait pas mal d'informations. À part si peut-être vous connaissez pas, vous connaissez peut-être pas, je suis pas trop intéressé à ça. Ça fait plaisir. D'accord. Peut-être que vous connaissez pas Redouane Arjan, mais c'est non. Redouane Arjan, c'est un humoriste. Non, je connais pas. Non, je connais pas son nom. Bah, il est passé 2-3 fois à Montreux. Et ah bah je l'ai vu. Il est en il est très pote avec Aurel San et d'ailleurs il joue dans le film Comment c'est loin. Ok. J'ai pas vu. Comment c'est loin. Bah. Bon, Guylaine a vu tous les films. Non. Je peux mettre au défi n'importe qui de trouver un film que Guylaine n'a pas vu. Oh, c'est un défi. Il y en a plein, mais il y en a plein. Ouais, il y en a plein. Il y a tous les films Bollywood si tu veux. Oui. Ah oui, tous les films indés trop. Pas très français. Si, en plus des films de Bollywood, j'en ai vu. c'est quasiment trouver un film français, voilà, ou alors américain doublé en français, quelque chose de ce genre-là, c'est quasiment impossible de le. Si, je te parie que si. Non, parce que tu vas lui en parler et juste après, il va le voir. Alors, c'est pas. Souvent ça. C'est quasiment un call. Et si vous avez envie de lui poser une call, bah, appelez-nous au 09 70 407 ouais, voilà, appelez-le et. Posez-lui une colle, ça serait s'il bon. S'il vous plaît. On a tous envie de lui poser une s'il colle vous plaît, comme là, ça. Que il manque de matière. Que je reste dans le blanc. Pour dire, à l'ESCAT, ils ont une liste de 200 films à regarder. Les écoles de cinéma à Tours, ils ont une grosse liste. Combien t'en avais déjà vu avant qu'ils te donnent la liste? Bah, sûrement un quart. Il exagère, hein. Non, je suis pas y en a, sûr. C'est des en films vrai, qui sont un peu de la merde. Si, parce qu'en fait, il y a plein de films de la nouvelle vague que j'ai pas encore vu, que j'ai découvert et. Ouais. T'es surpris. Bah, tant qu'il n'y aura pas un auditeur, n'importe qui d'ailleurs, qui te voit dans la rue et qui dit tiens, est-ce que t'as vu ce film? Voilà. Il y a beaucoup de Truffaut que j'ai pas vu, de Claude Chabrol, je l'ai pas vu encore. Je sais même pas qui c'est. C'est des gens, ça. Mais oui, non, c'est des. Mais... Non, mais t'as dit. Mais c'est pas possible. C'est pas grave. Non, mais je peux comprendre que tout le monde n'est pas la même culture. Je suis étonné que t'aies pas dit c'est une jardinerie, tu vois. Je suis étonné que t'aies pas dit c'est une jardinerie. Une jardinerie Truffaut. Ah, jardinerie Truffaut. Truffaut, ah, je suis étonné que t'aies pas fait la blague. Oh, Truffaut. Mais non, sache que Truffaut, tu peux le retrouver dans le cinéma de Spielberg, par exemple. Dans le. Mais non, Truffaut, c'est pas le gars dans Louis de Funès, là. Ah non, c'est Cruchot. Quoi? Cruchot, ah merde. Cruchot. Allez. Bon, on va s'arrêter là. Ouais. Allez, allez. Hein, il est temps de. On va passer, hein, voilà, nanani nananer. Normalement, c'est Cosmic Down qu'on va écouter. Ouais, si je me trompe pas. Ok. Parce que je l'ai pas sur l'ordinateur. Oh bah, très certainement. Vas-y. Eh ben non, c'est Kit Travis. Kit Travis avec On My Way. On My Way. Et il est facile à dire. On My Way. PK Avenger sur Indestar, c'est mieux que le film Les Visiteurs en Amérique. Jusqu'à 23h, la pop culture est à l'honneur avec les PK Avenger. Et c'est pas Guylaine qui va nous contredire, vu sa tête qu'il a fait. Ouais. Les PK Avenger sur Indestar, tous les jeudis de 21h à pas 23h. Du coup, on va arrêter avec cette formule. À plus que 23h. C'est ça, parce qu'on a encore plusieurs trucs à faire. Pourquoi on ne fait pas une grille programme 21h minuit? Oui, ou alors, bah, comme le disait tout est dit l'année dernière, c'est 23h à peu près. Voilà. 23h à peu près. Oui. Mais au minimum. Là, j'aime bien le minimum. Ce soir, on a une excuse. C'est une spéciale, donc on a le droit d'aller jusqu'à plus tard. Ouais. Ouais, mais même les spéciales. Mais on pourrait dire les ça. C'est pas spécial, ça dépasse, ça va à peu près jusqu'à 23h15. Ouais. Voilà. T'as toujours droit en fait d'aller plus loin. C'est vrai. Parce que tant qu'il y a personne après nous, et c'est vrai que le jeudi soir, bah, on est les derniers. Donc bah, c'est cool. On peut se faire plaisir. Et on vous fait plaisir aussi. Notamment avec une interview dont Marguerite et Isma vont nous parler, parce que moi j'étais pas là. C'était lors de la Japan Expo. C'est ça, c'est une interview qu'on a fait à la Japan Tour. On a rencontré Maliki, qui est l'auteur de BD, ben, de la BD éponyme, Maliki. C'est l'histoire en fait d'une jeune femme qui se dessine elle-même. C'est une animatrice et elle a des chats. Enfin, elle nous parle de son métier, de ses chats. Enfin, c'est de sa vie. Non mais vraiment. Et puis ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, il incorpore des souvenirs, des anecdotes de son passé en fait dans la vie de Maliki. D'accord. Et c'est et puis même il a inventé aussi une créature. Je sais plus comment. Est-ce que tu te souviens comment elle s'appelle, Isma? Cette créature, elle est mi-chat, mi-humaine. Elle a des super pouvoirs. Lady Bird, c'est ça. C'est un film, ça. Ah, comme le film, ouais. Mais ça, je l'ai vu. Oh mon Dieu. Je peux être fier de moi. Toi aussi, t'as ton moment de gloire. Ouais, ouais, mais c'est un film indé, enfin. Hein, ouais. Voilà. Donc c'est un film voilà. que pas, peu de gens ont vu. Bah. Enfin bon, pour revenir, voilà, t'as tout un univers avec des personnages très sympas, très croustillants. Et ce monsieur, il a aussi travaillé en Kama avant de faire Maliki. D'où le rapport. Il s'appelle comment ? C'est ça. Bah, il, a, okay. il nous a pas dit son nom. Ah oh, d'accord. Il se bat, peut-être et une idée. Il n'était pas présenté par son nom, je crois. Ou alors, il a fait quoi dans Kama, plus, peut-être une idée graphiste, peut-être était, ou, ouais, ouais. Il était. Il me semble qu'il était animateur. Il a été graphiste, ouais, c'est, graphiste, ça. C'est ça. Il a bon, fait voilà. la création des personnages après, sur des planches, etc. Mm-hmm. Ouais. Que ce soit pour le manga et même la série animée. Après, il vous en parlera très bien lui-même, je pense. Bah, on écoute ça. Oui. Bonjour. Bonjour. Pour commencer cette interview, j'aurais une première question. Donc, vous avez été chara-designer à Ankama, si je ne me trompe pas, et je voulais vous demander comment vous êtes entré justement à Ankama. Ça c'est toute une histoire, ça va vous plaire. Ah, oui. Ah cool. En fait, à l'époque, j'avais une amie blogueuse qui s'appelle Melaka qui m'avait envoyé un petit message pour me dire « Tiens, regarde, on a trouvé un petit jeu en ligne, en flash, tout mignon, qui ressemble un peu à ce que tu dessines. Et, je suis sûr que ça va te plaire. Tu devrais venir jouer avec nous un soir. » Donc, okay. J'ai joué à Dofus avec eux, avec Melaka et Renaud. Et on a décidé de dessiner une petite note de blog sur notre expérience dans Dofus, raconter nos petites aventures à l'intérieur. Tot, le patron d'Ankama, est tombé dessus sur mon blog. Ok. Et un soir, je jouais à Dofus et un petit bonhomme est arrivé comme ça. Et c'était Tot en fait qui me disait hey, salut, on cherche des gens pour venir à Ankama. J'ai vu ton strip parce que ça te tenterait de venir bosser chez nous. Vas-y, plaque ton boulot, viens à Roubaix, on va s'amuser. Ok. Et j'ai fait ok. Au début, je l'ai pas cru, donc il a commencé à me téléporter partout dans le jeu, au milieu de monstres énormes, pour me dire bon, maintenant arrête de bouger et écoute-moi, on a besoin de gens. Et donc je suis allé à Roubaix deux jours plus tard. On m'a fait passer un entretien et puis j'ai plaqué mon job à Paris et je suis monté à Roubaix parce que ça avait l'air trop bien. Et du coup, vous avez bossé, je crois, sur donc Wakfu et Dofus, il me semble. Oui, c'est ça, le jeu et la série un petit peu aussi, série Wakfu. Est-ce qu'il y a une anecdote, un moment qui vous a marqué quand vous travailliez là-bas ? Ah, il y en a tellement. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Si j'ai vraiment adoré travailler sur l'animation là-bas, sur la série Wakfu, même les premiers courts-métrages qu'on faisait avant, qui s'appelait Gultar le Barbare, qui était un genre de pilote pour montrer qu'on savait faire de l'animation. Et les anecdotes, c'est qu'on faisait tout à l'arrache en fait. On ne savait pas du tout ce qu'on faisait. C'était vraiment une époque sympa parce qu'on pouvait toucher un petit peu à tout. Et on découvrait complètement les logiciels, comment on faisait de l'animation. Après, vraiment des anecdotes rigolotes. Il y en a une qui est vraiment drôle, qui nous a fait rire aux larmes, je pense, pendant une bonne semaine. À un moment, ils ont installé des couloirs vitrés partout à Ankama. D'accord. Des vitres pour séparer les open space, sauf qu'il n'y avait aucun repère sur les vitres pour dire que c'était des vitres. Toute la journée, on entendait toc. Pong. On voyait des gens sur le dos, un peu dans les vapes, comme des mouches. On mettait des post-it partout où il y avait des impacts, parce que ça laissait des petites traces de gras de visage partout où il y avait eu des impacts, et donc c'était marqué premier impact, second impact, troisième impact. Ça a duré un moment avant qu'ils mettent des bandes pour qu'on voit que c'était des vitres. Oui, c'est mieux en effet, c'est plus sécurisant. Bon, mais vous n'avez pas été qu'à Ankama, vous êtes également le dessinateur donc, de Maliki, la BD. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu l'histoire pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement ? Alors Maliki, c'est un blog BD que j'ai lancé en 2004, donc ça fait déjà 16 ans du coup maintenant. Aïe aïe aïe. Ah, tu sais mieux que moi. Et bon, en gros, Maliki, c'est un personnage autonome qui se dessine elle-même et qui raconte sa vie sur Internet. Donc c'est des notes de blog. Qui sont pas mal inspirés de faits réels, qui me sont arrivés soit à moi, soit à des gens que je connais en fait. Et il n'y a pas vraiment de ligne directrice, ça peut aussi bien parler d'une anecdote sur les chats que d'une anecdote sur l'univers, sur un petit tas de neige, sur... En fait voilà, c'est chaque semaine je cherche une idée, quelque chose qui m'a marqué dans la semaine, okay. ou une actu, et puis j'en fais une petite histoire. En général, sur le ton un peu humoristique, sarcastique, mais des fois ça peut être triste, drôle, enfin il n'y a vraiment aucune règle. C'est... D'accord. Et il y a même du surnaturel en fait. Maliki a même un double surnaturel et il y a par moments je distille Lady comme Bird, ça. Le personnage de Lady Bird. Ouais, c'est ça. Et du coup, je distille un petit peu de fantastique dans le quotidien. Et du coup, en parallèle, après, l'univers s'est développé en roman, en one-shot. Et à chaque fois, du coup, c'est une petite brique que je rajoute à l'univers Maliki, soit dans le côté fantastique, soit dans le côté dark. Enfin, il y a vraiment plein de choses à faire avec l'univers, quoi. D'ailleurs, maintenant, il y a un animé qui va sortir. On espère. Va falloir faire malheureusement plus qu'espérer. On va devoir prospecter comme des fous. Okay. Mais en fait, oui, on a réalisé, là, il y a quelques semaines, un générique animé. Dont l'opening a été aussi fait par Starry Sky, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. C'est Starry Sky qui a composé et interprété la musique. Et par-dessus, on a contacté le studio Yapiko, qui est un studio d'animation franco-japonais, qui nous a fait donc toute l'animation du clip. Et comment on fait ce choix de justement d'adapter une BD en animé Comment s'est fait ce choix-là En fait, moi, j'ai toujours été un grand fan de dessins animés avant d'être fan de BD. D'accord. Et chez moi, je dois avoir à peu près tous les vinyles des dessins animés des années 80. Je suis un gros collectionneur de génériques. Donc ça faisait partie des rêves, on va dire, de réaliser un jour un générique sur Maliki. Okay. Le dessin animé n'est pas forcément une finalité en soi. En fait, juste le générique me faisait super plaisir. Et okay. Comme dans notre dernière campagne Ulule, on avait vraiment atteint des paliers assez inattendus, on va dire. Bah, on avait la trésorerie nécessaire pour lancer cette production. Et pour revenir à l'histoire, comment vous êtes venu le personnage de Maliki? Et puis d'ailleurs, même les personnages secondaires comme les chats, Leia et Fëanor ou Lady Bird, comment vous sont venus ces personnages? Alors Maliki, c'est un personnage qui existe depuis même bien avant le blog, puisque c'est un perso que je dessinais quand j'étais en cours au lycée, je crois. Ça... Et quand la question s'est posée de faire un blog BD, je me suis dit qu'est-ce que je mets en scène dans ce blog BD? J'avais pas vraiment envie de me dessiner moi. Mm-hmm. Et à l'époque, j'étais très fan de Gorillaz, le groupe de musique. Et j'adorais la façon dont les musiciens s'effaçaient derrière les personnages. C'est-à-dire qu'on ne savait pas qui étaient le chanteur, les musiciens. On voyait que les personnages en dessin animé et je trouvais ça super cool. Donc j'ai pris Maliki, ce perso que je dessinais et que je connaissais depuis longtemps, pour lui donner une vie propre sur Internet, sans auteur. Elle se débrouille toute seule. Et après, pour les personnages secondaires, c'est en général des personnages qui existent, comme Mecha, comme Becky ici présente, qui est devenue un personnage important, puisque maintenant elle est mariée à Maliki dans la BD. Ok. Et on a même un enfant. Et voilà, il y a même un bébé. Généralement, les poules, c'est mes poules. John le Normand, c'est un vrai copain qui bossait avec moi avant à Paris, puis ensuite à Ankama, donc que je voyais tout le temps. Ça me permet en fait, en mélangeant la fiction et le réel, ça me permet d'avoir des anecdotes crédibles, des fois même moins crédibles que la réalité malheureusement, parce que c'est tellement des fois débile que les gens n'y croient pas, mais la plupart du temps c'est vrai. Et pour Lady Bird, qui est un personnage fantastique, à la base c'était un simple clin d'œil à Jojo, Bizarre Adventure, parce que j'étais en plein dans la lecture de Jojo à l'époque, et elle me dit « Ah, si Maliki avait un double, qu'est-ce que ce serait ?» Et donc j'avais dessiné ce personnage comme ça, un petit peu pour la rigoler, pour l'anecdote. Et puis au bout d'un moment, les gens commençaient à me la réclamer un petit peu avec insistance. Donc je me dis « Tiens, c'est vrai qu'on pourrait lui inventer une histoire, un background. » Et du coup, elle s'est complètement détachée du côté Jojo et c'est devenu un vrai personnage et, avec une vraie histoire qui n'a rien à voir avec celle des stands, heureusement. Ok. Moi j'ai des questions pour Becky. Ah, merci. Déjà, parce que enfin, on pourrait croire que là on a fait que Maliki, mais j'ai envie de dire que Maliki en fait c'est tous les deux pour représenter. Voilà. Moi je suis la face cachée de Maliki. Oui, voilà, et du coup quel est ton rôle? Exactement. C'est relativement simple. Donc Souillon il va faire toute la partie création, donc scénario, dessin. Ok. Et moi je fais tout le reste. La partie logistique, com, éditorial, mail. Ouais, donc une grosse partie pour le coup. C'est 50-50, je dirais. 50-50, d'accord. Bah, c'est un boulot à temps complet. Hein. On est tous les deux à plein temps sur Maliki et on manque de temps. Ah, vous n'avez pas d'activité. On n'est pas trop de deux. Non, on est vraiment à temps plein dessus. Ouais. Et ma question, c'est comment vous faites pour vivre de tout ça? Parce que la BD elle est disponible donc, sur Internet gratuitement, si je ne me trompe pas. Oui. Tout est dispo gratuitement. Alors du coup, vous fonctionnez grâce au Tipeee. Est-ce qu'il y a d'autres moyens, par exemple, de vous aider, de soutenir le projet, peut-être? Bah, il y a principalement Tipeee, effectivement, où c'est un système de mécénat participatif. Tous les mois, les gens nous financent à la hauteur de leurs moyens et ils ont des contreparties, un peu comme un Ulule, sauf que c'est pas un projet qu'ils vont financer, mais un auteur sur la durée. D'accord. Donc ça va pouvoir, ça va nous permettre de lancer un strip par semaine et de savoir qu'à la fin du mois, on pourra manger des pâtes. Peut-être bon, un peu plus. On mange un peu mieux que des pâtes. Ouais, quand même. Pour ceux qui nous écoutent, je vous rassure, ils ne sont pas maigrelés, chevés et la peau sur les os. Non, non, non. Vous allez... un peu trop grassouille. En fait, on n'a jamais aussi bien mangé que depuis qu'on est passé en indépendant. Eh ben merci en tout cas à vous d'avoir accepté cette interview. Avec plaisir, merci à vous. Et, au plaisir de vous revoir. Avec grand plaisir. Bon festival encore une fois. Merci. Non mais tout va bien, on est là. Bien, un petit peu en retard. Non, pas du tout. En fait, il y avait que Marguerite dans le studio. Depuis tout à l'heure, je les appelle en plus. Non mais venez, ça va vite se finir et tout. On était en train de manger. Pour une fois, c'est pas moi, Lino. Ouais, c'est vrai. Mais quelle bande de mangeurs. On a faim, hein. Faut qu'on tienne jusqu'à. C'est ce qu'on nous dit souvent. Quelle bande de mangeurs. Ouais. Voilà. Enfin, c'est rare quand même. Quand même. Du coup, Marguerite, Isma, est-ce que vous avez un petit point à rajouter? Oui, bah, je tenais à remercier quand même le festival, Japan Tour Festival, de s'être déroulé, parce que sans eux, on n'aurait pas pu justement rencontrer le groupe Maliki, donc qui se compose de Souyon, qui est le dessinateur le créateur de Maliki et de sa femme. Sa femme Becky. J'ai oublié le nom, voilà. D'accord. Eh ben, on leur fait des gros bisous d'ailleurs. Ouais, oui, on les embrasse. C'était vraiment très cool. Puis c'est vrai qu'on n'imagine pas. Enfin. Moi, la première fois, je lisais Maliki et je connaissais pas du tout Souyon. Donc je me disais, mais c'est une femme qui dessine, tu vois, elle dessine sa propre histoire. Ouais. Quand je l'ai vue, merde, mais c'est un mec. Puis c'est même pas ça. C'est, je m'étais fait tout un film en me disant, non, c'est une jeune femme et tout. Et je m'attendais pas du tout à ce que ce soit lui. Non, c'est pas ça. Mais c'est juste que je m'attendais pas à ce que ce soit lui, en fait. Je sais pas. C'était, non, donc c'était très cool, en fait, de le rencontrer. Et de la chance que tu le renvoies pas. Non, c'est pas toi. c'est pas du tout l'image que je m'étais fait de toi. Ah, tu sais, c'est comme quand t'es enfant, tu te fais une image d'un truc. Et vraiment, ça m'a surprise. Mais c'était cool, du coup, de le rencontrer. Eh ben, c'est pas. Tu vas nous parler après la musique, évidemment. De la saison 3 et tu vas nous faire un petit quiz aussi. Un petit quiz. Bon, c'est vraiment pour voir, c'est un petit quiz sur la saison 1, hein. Facile ou tranquille ou. Soit. Tranquille ou bidou. Moi, exactement. Je me mets pas avec toi. Et pourquoi? C'est solo. Hein. Tu devrais. C'est solo. Hein, C'est solo. Ah bon, c'est bon. Quoi que, non, peut-être pas. Si, on va faire par équipe, c'est mieux. Ah oui, sinon, le pop Théo, il sera trop là. Je peux jouer tout seul, y a pas de soucis. Ah oui, en plus, mais toi tu peux pas jouer, tu connais les réponses. Comment ça, je connais les réponses? Ah non, toi tu ne joues pas. Parce que j'ai fait le quiz avec lui, il était à côté, il regardait. Et à un moment donné, il fait oh, tu veux pas me le faire et tout. Donc bon, il connaît déjà les réponses. Il fallait pas le dire, ça va. Si, non, j'attendais. Mauvais joueur. J'attendais le moment. C'est pas correct. Mon moment de gloire. Non, je suis désolée, tu ne me la feras pas. Oh là là. Mais si ça se trouve, la réponse que t'as vue, on la connaît pas, et du coup, tu pourras la donner. Je ne pense pas. Bah déjà on va voir si tu te souviens. Donc je pourrais jouer quand même. On va voir ça. On prendra les ardoises comme ça. On comptera les points évidemment. Super. Donc on va écouter la musique de. Oula. De Cosmic Dawn. Oula. Ah bah si, c'est ce que j'annonce. Cosmic Dawn. Bah oui. Don't Rock Your Body. Ouais, je pense que dedans il y a. Si je me trompe pas, il y a du. Oui, Rock Your Body, c'est comment Justin Timberlake. Ah oui, c'est ça. Ouais, tu fais bien, Justin. T'as une carrière de doubleur français. C'est ça. Faudrait juste que je chante en français. Et l'autre bout du match-up, ce serait quoi? Eh ben, on va écouter. On va voir. On va découvrir. On écoute le match-up de Cosmic Dawn. Chaque jeudi jusqu'à 23h, PK Avengers sur Indestar. C'est ça, avec toujours des match-up, des originales. Ouais, plein de musique. Et d'ailleurs, tu vois, en parlant de match-up, on en a déduit en écoutant qu'il y avait du Justin Timberlake et du Ed Sheeran à l'intérieur. Mais c'est toi qui l'as dit. Ah, mais vous êtes incroyable. C'est incroyable. Je sais pas si on peut lui rajouter un point parce qu'il l'a trouvé. Parce que là, tout de suite. Non, ça fait pas partie du quiz. Allez, Galan. Eh, quand même. Marguerite va nous parler de la saison 3 de Wakfu. Et juste après, tu nous feras un quiz. C'est ça. Du coup, on rajoute pas de points. Donc, donc non, je dis non. Ok. Alors, pour les. Qu'est-ce qu'il fait? Pardon. J'entends des bruits de galère. Bon. Il teste ses bruitages. Je teste. Parce que bon, donc cette troisième saison, elle a été diffusée sur France 4 et Netflix en 2017. Ouais, ça va. Voilà. Elle a été réalisée. Ouais, elle est assez récente. Elle a été réalisée donc par Fabrice Zanzi. Lucchini. Non, même pas. Et écrite par Anthony Roux. Oui. Donc un des cofondateurs. un des cofondateurs, c'est ça. Donc, ouais, c'est pour vous faire un petit synopsis, on se retrouve un an et demi après le combat titanesque avec Ogrest et les dragons primordiaux. Donc c'est bien ça. J'avais raison, Ismaël. Oui. Chez. Oui. Le c'est film, c'est la fin de la saison 2 et le début de la saison 3. Oui. Bon. Ah, il y a un film. C'est ta faute d'avoir c'est le raison. Qui suit pas. Ah, il y a un film. Mais quoi bon, moi, j'étais pas sûr. Vraiment. Oui, puis t'as d'autres films d'ailleurs qui reviennent sur l'avant. Ça s'appelle comment? C'est Juliette. Ouais, les livres de Juliette. Le nom, oui. Ouais, c'est ça. Ils sont très cool d'ailleurs. Qui reviennent sur le héros de Bonta. Enfin, c'est très sympa. Donc. Yugo, Tristepin et les membres de la confrérie du tofu mènent leur vie chacun de leur côté, donc on en parlait tout à l'heure. Eva et Tristepin ont eu deux enfants, donc Petite vie de famille. C'est ça, Eleli et Flopin, ils sont sur le point d'en avoir un autre. Ouais. Amalia, Sadida vit auprès de son peuple. Et on retrouve Yugo et Ruel qui sont en recherche de Adamaï. En fait, Adamaï a disparu. Donc, juste pour faire un petit rappel, Adamaï c'est le frère dragon donc de Yugo. Et il a disparu, il a rejoint la fratrie, une organisation qui est dirigée par l'énigmatique Oropo, qui souhaite remplacer les anciens dieux. D'accord, Oropo il s'appelle. Il s'appelle oui. Oropo. Il est Oropo. Ouais. Pas, ouais. Oropo, il fait. Non, non vraiment non. T'es là, t'aurais pu la faire ça. Non, je me suis retenu là, vraiment. En fait, tout commence avec l'enlèvement de Eva et Flopin, que la confrérie va tenter de chercher en vain. C'est ça. Donc, alors, ce que j'ai bien aimé, pour le coup, dans cette troisième saison, et en vrai, je crois que c'est une des plus détestées, malheureusement. Je suis pas forcément d'accord avec cet avis-là. Ouais. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce qu'on se plonge vraiment dans la vie des personnages. On a le temps de voir la nouvelle ils vie de. Ouais, ouais, c'est ils ça, évoluent. Ils ont bien on voit évolué. Qu'ils ont évolué, clairement. Bah oui, de gosse plus un 2,5, ça fait évoluer. Hein. Mine de rien. Et tu peux nous en parler très bien. Ouais, effectivement, je suis maître dans ce domaine. Je suis compétence level 100 niveau papa, donc ouais, ça fait évoluer un petit peu. Vois. Ouais, c'est ça. Vous pouvez pas tester. Ce qui est sympa aussi, et je sais pas quel est ton avis là-dessus, c'est les décors, les visuels sont. Je les trouve presque encore mieux. Ankama évolue beaucoup, hein, mine de rien. Ça, et pourtant, ce qui est fou, c'est que le budget est divisé par deux par rapport aux autres saisons. Il commence à avoir un peu de mal avec l'argent, quand même. Ankama, bah les francs. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il y a pas beaucoup de trucs français connus. Ils sont soutenus par le. Le CNN, le CNC. Ouais. Alors au parce début de la saison 1, oui. Ils ont eu 150 000 euros pour la saison 1. Ok. Alors je pense qu'à l'échelle nationale ou quoi que ce soit, ça doit pas être grand chose mine de rien. C'est toujours de l'argent, mais ça doit pas être grand chose. Mais non, c'est pas. Donc là pour la saison 3, je sais pas s'ils ont touché des subventions de CNC. J'y arrive. J'ai du mal. CNN, c'est autre chose. Ouais, la CNN. CNN, c'est l'anglaise ou américaine. Mais n'empêche qu'elle est quand même très attendue, cette fameuse saison 4. Mmh. Et même s'il y a peut-être des gens qui n'ont pas trop aimé la saison 3, je pense qu'il y a quand même des fervents admirateurs de oui, Wakfu. Quand tu commences la série, t'as. Bah ouais, j'ai envie de savoir la suite. Tu tombes jamais. Enfin. Et puis ils arrivent toujours à se renouveler, c'est ça qui est sympa. C'est pas du déjà vu, c'est vraiment une suite à chaque fois. Ouais, et puis tu découvres compliqué. De plus en plus l'univers. Je trouve ça cool. Ouais. Et là, donc, dans cette saison, ce qu'on fait, c'est qu'on suit donc, la confrérie dans la tour de repos. Et en fait, dans chaque pièce, il y a un demi-dieu qu'ils vont rencontrer en fait, dans chaque nouvel épisode. Et soit ils vont combattre, soit il va y avoir un défi. C'est plutôt sympa parce que de temps en temps, on va avoir de l'action. De temps en temps, ça va être un peu plus... on va avoir plus de réflexion. Enfin, c'est sympa. Après, c'est une forme qui peut être un peu. On a déjà vu des tours avec des boss, hein. ça s'est déjà vu, mais après, c'est innovant quand même. Puis, notamment, ouais, après, ça me fait un peu penser à Fairy Tail sur certains aspects. Moi, il y avait des trucs qui m'avaient un peu agacé, c'est que du coup, t'as pas tellement d'intrigue. En fait, c'est combat sur combat sur combat. Bon, t'apprends pas grand chose. Tu découvres éventuellement des personnages, mais bon. C'est vrai que c'est un peu plus combatif quand même la saison 3. Après, ça vient peut-être aussi de la scission entre les deux frères. Tu perds ton frère, donc forcément, t'es un peu, tu te bagarres un peu avec lui. Tu vois, ça peut refléter cet esprit-là, mais bon, là, c'est vraiment pousser les trucs. Ouais, moi, ce qui me dérange plus dans cette saison, c'est vraiment c'est plus le format de à chaque nouvel épisode, bon, bah, un nouveau boss à des faire en fait. À dérouiller. Ouais. À dérouiller, c'est ça. C'est le bon terme. Ah bon. Mais après, il y a plein d'autres petits trucs aussi. Il n'y a pas que du boss à dérouiller. Il y a quand même une intrigue qui se profile. Mais la fille, je sais plus comment ça s'appelle. Oui, dis-moi. Laquelle celle qui recrute Adamaï, justement. Celle qui ressemble à. Oh, c'est quoi son nom? Elle est énigmatique, je sais plus comment elle s'appelle. Isma, tu t'en rappelles pas par hasard? De quoi, exactement? Il ne suit pas. La fille qui recrute Adamaï. La fille qui recrute. Ouais, bah, c'est en fait, c'est pour ça que elle a la peau blanche et noire. C'est Dame. Echo. Dame Echo, voilà. C'est ça. Dame Echo. Echo. Dame Echo. On met pas de réverb. Attends, j'ai vu les trois saisons. Dame Echo, je la trouve. Son personnage est vachement bien. Parce qu'on sait pas trop si elle est gentille, méchante. En fait, c'est même pas ça. C'est plus que tu vois qu'elle a confiance en Oropo, qui est finalement leur leader, oui, en fait. Ça, oui. Mais elle arrive quand même à le questionner. Et ça, c'est cool. Pour moi, elle est pas totalement méchante. Elle est pas totalement du côté des méchants, même si la fratrie n'est pas totalement méchante non plus. J'ai même pas très envie de parler de méchanceté ou quoi. C'est même pas tellement ça. C'est plus elle a vraiment une vision, tu vois, qu'elle a une vision d'idéaliste. Et ouais, elle suit le leader qu'elle a décidé de suivre, quoi. C'est vrai. Parce que d'ailleurs, au passage, ils vont remplacer les dieux par ses propres demi-dieux, comme c'est tu disais, ça. Parce que officiellement, parce que c'est pas des vrais demi-dieux, hein, c'est juste des gens. Non. Tu sais, il y en a quelques-uns qui sont. Bah, c'est des fils de Dieu. C'est des fils de Dieu, ouais, donc ils veulent remplacer leur et papa. Et pas des fils de. Oui, non. Merci. De leur maman. De leur maman, ça, voilà. Ça peut être des fils de maman. C'est pour ça d'ailleurs qu'Evangeline est enlevée, je pense qu'on peut le dire, ça c'est pas une intrigue. En fait, oui, Evangeline et Flopin sont enlevés. Et Flopin. Alors de base, ils sont venus pour. Ça va, hein. Je commence à me souvenir en la farce que vous en parliez de la fin de la saison 3. Donc oui, je vois où est-ce qu'on en est, effectivement. Ah, c'est bon. Non, mais merci, Smaël, de fou. Ta réaction. Oui, donc, même, je suis très bon ce soir, vous le savez, je suis fatigué, je suis lazy, etc. Non, bah t'inquiète pas, on est tous fatigués, je comprends. Donc au début, en fait, ils vont enlever Flopin et Eleli pour en faire des demi-dieux. Donc le demi-dieu Kra et la demi-dieu Yop. Enfin, la déesse du... Mais ils n'ont pas réussi à choper la fille, Eleli. Trop combative. Voilà, donc du coup, ils se disent, bah, on va prendre le bébé, hein, c'est très bien. Bon, du coup, on emmène la maman et hop, là, un prix de groupe, un petit voyage dans la tour de repos, et puis voilà. Mais bon, ils vont pas l'affronter. Enfin, ouais. Et notamment, on retrouve Adamaï aussi dans cette fameuse tour. Ouais. Parce qu'il est passé du côté de la fratrie. Qui a grandi, qui a très très vraiment et bien grandi. Et va devenir... il est j'aime pas sa forme adulte, enfin... Il est pas totalement adulte parce qu'il ressemble pas à un dragon, mais il est debout sur des pattes. Enfin, c'est mais très bizarre comme créature. Mais tu regardes Grugal Oragran, il a pas cet aspect dragonesque, j'en veux dire. Non, il a un aspect très. Il ressemble un peu, bah, c'est un peu le même genre en fait. Mais ils ont une forme entre deux. Parce que même Adamaï, quand il a une forme dragon pure en fait, parce qu'ils ont plusieurs formes, les dragons ils peuvent se transformer en plein de choses. Voilà, c'est des métamorphes on va dire. Bah disons que les jeunes dragons peuvent pas totalement se transformer, ils ont une forme bâtarde. Si on veut, ouais, c'est ça. Mais quand il est totalement dragon aussi, enfin, il est assez cubique, il est bizarre Adamaï quand même quand il se transforme en dragon. On dirait un peu un homme de pied. Ouais, c'est ça. Mais du coup, il a un style particulier, c'est pas mal. Ouais. Il a de l'originalité, ouais, tout comme faux. La voix. Non. Ouais, tout à fait. c'est pas faux, d'accord. Ouais, c'est pas faux. Bon, bah, d'accord, mais tu veux qu'on passe à autre chose? On passe au quiz, pardon. Peut-être. Ah bah, on peut passer. C'est toi qui le demande, on peut passer au quiz. On peut passer au quiz. Si tu veux passer à autre chose, on passe à autre chose. Donc ça va être un petit quiz sur la saison 1. Alors globalement, tout a déjà été dit. Il y a Stéphanie de Monaco, pardon. J'avais oublié parce la fin. Parce que moi, si je gagne ce soir, golo golo. Allez, petite référence aux inconnus. Allez, ça passe toujours bien. Ok, commençons soft. Il y a combien de questions? Il y a 10 questions. 10 questions. C'est quoi? C'est celui qui répond le plus rapidement possible, c'est ça? On va faire ça. Ah ouais, d'accord. On n'a pas de buzz, donc... Ouais, non, mais c'est pas... C'est d'où l'intérêt des ardoises au départ. Je me dis, on note la réponse et puis on donne la réponse. Mais c'est bien la rapidité aussi. C'est pas mal aussi, ok. Et faut gueuler son nom, parce que vu qu'Ismaël, on le voit pas, il a peu de chance de gagner. T'as compris, Smaël? Surtout, c'est que j'ai un petit peu de temps de retard avec mon cerveau qui est assez lent ce soir. Donc je fais un petit score de 1, je suis content. Non, mais c'est y a aussi pas de... mal. Vu que t'es pas là physiquement, il y a aussi un décalage entre le micro que t'as chez toi et ici. Non, il y a pas de décalage. Mais si. Par contre, on peut très bien couper la tranche téléphone. Mais si, Théo. Je te surveille, Théo, attention. Okay. Attention. Attention, petit bruitage. Non, je sais pas. Oh, je suis non, déçu. Il a un bruitage que quand c'était Théo qui gagne. D'accord, ok. Bon. Ok, alors, est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Ok. Allez, c'est parti. Qui Yugo rencontre-t-il dans le premier épisode? Wakfu. Bah non, mais t'as pas donné les propositions. J'ai même pas donné les propositions. Ah, il y a les propositions. Mais oui. Ruel et Tristepin. Amalia et Evangeline. Evangeline et Ruel. Théo, Ruel et Tristepin. C'est une bonne réponse. Il peut nous avoir comme ça, effectivement. Et par contre, si tu gagnes trop, attention, je t'enlève des points. Ok. C'était... Ah. Bon, ça s'entend pas beaucoup. À chaque fois qu'il va gagner, tu vas mettre ça? Oui. Okay. Remets. Attends, j'essaye de remettre vite fait l'extrait. tricheur. Mauvais joueur. Meilleur film. Obélix, Mission Cléopâtre, ça. Oui. Oui. Ok, deuxième question. Ruel possède une arme plutôt particulière. Est-ce que c'est... Wakfu. Une pelle. Non mais non, mais laissez-moi donner mes putains de c'est à la fin des propositions qu'on a droit de donner. C'est comme au Burger King, il faut attendre la fin. Moins un point, allez, hop, moins un point, il a dit. J'ai un truc qui marche pas, yes, ok. Quel est le surnom de Sire Tristepin? Est-ce que c'est Turpin, Pimpin ou Tripin? Turpin. Teddy. Pimpin. Ah, c'était ici. Alors, ouais, mais faut dire ton nom avant. Ouais. Tricheur. Mauvais joueur. Allez, ça compte, moi j'avais pas la règle, ça compte. Ok. Mais dites bien vos noms, comme ça on sait qui parle en premier. Oui. Est-ce que, quatrième question, est-ce que Amalia possède un tofu, une peluche ou une poupée? Teddyo. Je sais pas. Je l'ai dit avant, Teddy. Poupée. Une poupée. Bah bon, je l'ai dit tout à l'heure. Un tofu. Ok. À quelle race appartient Hugo? La race des Kras, des Écaflips ou des Héliatropes? Teddy. Héliatropes. C'est facile. Ouais, c'est vrai. Eh, franchement, c'est donné, hein, les points. C'est pas faux. Ok, comment s'appelle le chouchou de Tristepin? Kerocho, Rubilax ou Anata? Yeah. Teddy. Ah, il l'a dit avant. Il l'a dit avant. Tu peux refaire les propositions. Rubilax. Ok, allez. Rubilax, vous êtes trop long, les gars. Mais non, non faut non, pas non, dire. Mais non. Dis-le pas, il a demandé. C'est pas, j'ai pas entendu. Bah, du coup, je ne sais pas à qui je redis. Kerocho, Rubilax ou Anata? Teddy. Je sais pas, la 2. Rubilax. Allez, un point pour Gaëlle. On est gentil. Vous êtes sympa. Ok, quel est le nom entier d'Amalia? Princesse Amalia Sheram Charm, Princesse Amalia Aram Charm ou Princesse Amalia Kéran Charm? Teddy. Théo. Ismaël. Oula. Ismaël, la première. Je crois que c'était Teddy. La première. Exactement. Ouais. Bim, c'est une bonne réponse. J'avais dit Teddy. Je dis pas, mais Teddy est en tête avec 4 points. Oui, mais j'avais dit Théo, quoi. J'avais répondu avant, mais il y a trop de décalage, c'est chiant. Oui, bien sûr. Ok, comment s'appelle la sœur d'Évangeline? Éoline, Cléophée ou Chiara? Théo. C'était Cléophée. Ah, c'est Cléophée. Je l'adore, ce personnage. Comment ça on fait exprès? Mais non. Tricheur. Tricheur. Pendant que tu dis les réponses, personne capte. Donc il y a un truc là. Il y a du sabotage, moi je dis. Mutinerie là. On t'entend très bien. Pourtant on t'entend bien. Je comprends pas. Ok, bon. Neuvième question. Qui protège Amalia et Eva dans le dernier épisode du robot de Nox? Est-ce que c'est Ruel, Pimpin ou Hugo? Ismaël. Vous parlez complètement. Mais on t'entend vraiment en décalé, c'est fou. Non, je pense qu'il arrive vraiment après la guerre. Ah bah ouais, je crois. Non. C'est la fatigue. Du coup, je sais pas si c'est Gaëlan ou. Je crois que c'était Gaëlan. On va dire Pimpin, j'aime bien Pimpin. C'est Pimpin, et bah c'est Pimpin. Oh, c'est vrai. Il faut tout à l'info. Quand j'ai fait mes recherches sur Wakfu, j'ai vu plein de topics, enfin de murs, où qui disaient oh, Pimpin est mort, mais genre vraiment. Ils l'ont tagué. Tu regardes la saison 2, bah non. Enfin. Oui, il y a des gens en fait, ils veulent croire que papa était vraiment mort. Oh non, pas papa. Ah non, pas papa. Parce que toute l'intrigue de la saison 2, c'est de la perle de pain. Bah, c'est pas du spoil, la saison 1 et saison 2. C'est sorti en 2012. Ah oui, ça. Ça oui, mais bon, pour ceux qui l'ont pas 2020. Vu, je considère que c'est du spoil. Et ils ont pas entendu. Oui, bon, bah tant pis pour moi. Ils se démerdent. Ok, allez, dernière et ultime question. Bon, Teddy est en tête, très clairement. Ouais, non, non. Là, on va dire, la deuxième place se joue entre Théo et Galan. Hey. Isma, tu peux rattraper. Bon. Ok. Vas-y, on l'a laissé ici. Dans quel but Nox s'attaque-t-il à l'arbre de vie Sadida? Est-ce que c'est pour contrôler le monde des 12, pour retourner dans le passé ou pour se débarrasser du peuple? Ismaël. Théo. Ah, c'était Ismaël là par contre. Oh non, il a dit avant la fin de la question. Non, il l'a dit avant. Alors ouf. C'était quoi? Les 20 minutes. Et donc Isma, ta réponse? Et alors c'est moi du coup, c'est bon, je peux. Oui, j'ai dit avant. Oui, j'essaie d'être à l'heure en fait. Du coup, tu peux répéter les trois? Non. Oh, bon, allez, c'est la dernière question. Théo. Est-ce que c'est pour contrôler le monde des 12, pour retourner dans le passé ou pour retourner dans le passé, pardon. Eh ben voilà, allez, ouais, même moi je le savais. Bah allez. Eh ben nous aussi, avons un euro gagnant, c'était dit. OK. Bravo. J'ai gagné, mais vu qu'il y a une égalité, j'ai peut-être une question bonus à vous mettre. Dans Wakfu, il y a un sport légendaire. Oh, moi je sais. Comment s'appelle ce sport? Gaëlan. Ouais. Ratatine ball. Raté. Non. Donc du coup, Ismaël, ça fait un point. Non. Est-ce que Isma, tu sais ou pas? Isma, est-ce que tu sais? Moi je sais. Répétez la question et je vais tout de suite voir. Non, il va regarder sur Google. Le sport. Non. Le sport de, on va dire, le fameux officiel dans Wakfu, comment s'appelle-t-il? Je vois, mais je sais pas. C'est avec une. Le quoi? Le Le Bouffe-Bowl. Oui, oui, c'est ça. Bien. Et ben, voilà. Bah, ça fait deux, il a pas gagné. Ouais, hein, c'est deux des épisodes les plus épiques, je trouve, dans la série Wafou, justement, avec le Bouffe-Bowl, tellement c'est badass et tout. Genre, je kiffe vraiment. C'est tellement bien. Je voulais presque même faire un topic là-dessus. Les épisodes où il y a ce sport, où je sais pas, il doit y avoir au moins 4-5 juste pour ce sport. Oh, il y en a pas autant que ça. Genre deux. Il y a combien d'épisodes par saison? Parce qu'il y a deux fois des matchs. Il y a deux fois des matchs. Je crois qu'il y en a une vingtaine. Je vais vous dire ça. Et d'ailleurs, ce qui est vachement sympa, c'est que alors le Bouffe-Bowl en fait est pas les femmes ne sont pas censées déjà pouvoir regarder un match de Bouffe-Bowl et participer dans la ville de Bonta, si je me trompe. Ouais, non, dans la ville officielle, là où que le Bouffe-Bowl a été créé, c'est dans une ville sombre, c'est je sais plus où c'est. Je crois que c'est Bonta. Où qui vient Kritz Lakras. Oui, c'est vrai, c'est un très grand joueur. Oui. Et le meilleur joueur, on apprend que le meilleur joueur, qui est le joueur masqué, et en fait c'est une femme. C'est ça. Bim! C'est trop bon. Qui a appris d'ailleurs la science de la crasse à jouer. Ah, c'est pas très réaliste. Hein. La technique de la Bouffe-Bowl légendaire. Je vais te balancer ma Bouffe-Bowl dans la gueule. J'ai perdu. Il faut savoir, la Bouffe-Bowl, pour ceux qui connaissent pas Wakefu, qui l'ont jamais vu, c'est un peu du rugby. Oui, alors oui, la balle, c'est un mouton avec des cornes. Ah, il y a 26. C'est épisodes. Un peu du rugby à 5 contre 5, où que t'as des accessoires. Genre, il y en a un, il a un bouclier, et dedans, t'as une force de magie, on va dire, une charge de magie. Que tu peux utiliser qu'une fois par carton. C'est pareil, t'en as dans les pieds aussi. Oui, il y en a un qui court avec ses chaussures, ça fait courir vite. Tu peux courir très vite. Voilà. Il y en a un, il a une main, du coup, il peut faire des trucs avec sa main. N'oublie, il est très bizarre. Voilà. Ouais, moi aussi. Voilà. Tout pareil. Et du coup, ils s'affrontent pour marquer le plus de points. Comme rugby, il faut marquer un genre d'essai. C'est un peu, ouais, voilà. C'est ça. Par contre, les coups sont vraiment très permis. c'est là, tu castagnes vraiment les gens en fait. C'est pas. C'est Chris Lacras, c'est pas pour rien. Ah, Chris Lacrasse encore, il est en plutôt fond, ça va. Mais dans le premier match de Bouffe-Bowl qu'on voit, il a des gros molos avec lui, des gros mecs baraqués. Ouais, contre une équipe de les bras cassés, ils s'appellent comme ça. Les Real Boitards. Oui, les Real Boitards, ils s'appellent. C'est quoi? Je crois que c'est un vieux canard en plus. Oui, c'est un canard boiteux en plus. Et c'est l'équipe de Ruel. On peut inventer son nom d'équipe ou pas? Je sais pas si tu veux. Oui, sans doute. Moi, mon équipe, c'est les culs trempés. J'aime bien. Les Real Boitards, c'est l'équipe de Ruel quand ils étaient jeunes. Et ils étaient très bons en plus. Ouais, c'est ça. Mais quand ils étaient jeunes. Et là, du coup, ils sont obligés parce que dans la saison 1, ils ont besoin d'argent pour acheter un bateau pour aller sur l'île de Ma. Ils se disent le Bouffe-Bowl, ça peut être une bonne idée. Comment ça, le Bouffe-Bowl? Notre équipe, elle est un peu vieille. Enfin, et du coup, ils y vont quand même. Il reste 2 ou 3 membres de son équipe qui sont bien, bien vieux, qui sont cassés dès le début. De toute façon, ils sont cassés en deux. Et c'est pour ça que les filles vont devoir rentrer. Même si c'est pas très dans le. Comment dire? C'est pas très normal de base. Le Bouffe-Bowl, c'est pas autorisé par les femmes et tout c'est ça. C'est ça. Et encore, parce que là, ils l'autorisent. Oui, c'était Pom Pom Girl de base et ils deviennent castagnés aussi, les gros lards. Et ça marche plutôt bien parce qu'ils gagnent. Ça donne lieu à des situations très cocasses parce que tu vois Evangeline qui est en mec, qui est en train de draguer le Yop. C'est le Yop, ouais. Il y a un Yop en face qui est assez baraque et tout, mais complètement neuneux, encore plus que Tristopin. Hein. Pimpin, c'est un génie à côté. Hein. Et il bug en fait totalement. Et il y a un moment, elle lui glisse un petit mot, si tu nous laisses gagner, si tu castagnes les autres, ben t'auras un rendez-vous. Et là, tu vois le Yop partir, hop, il castagne tout le monde. c'est trop bon. Mais bon. Franchement, juste pour ces épisodes-là, Wakefu, c'est à voir. Faut voir Wakefu au moins une fois dans sa vie. Quand t'as envie de passer un bon moment, tu peux la première saison, à chaque fois, les débuts de première et deuxième saison sont top. Oui. En sachant que la première, forcément, ouais, j'ai peut-être commencé ça ce soir. Hein. Donc, vous m'avez donné envie. D'ailleurs, si vous voulez savoir de combien d'épisodes par saison, vous me dites. Hein. De combien? J'ai les chiffres. Vas-y. Ouais, moi j'ai vu qu'il y en avait 26. Première saison, il y a 26 épisodes. Ok. Trop tard, Gélanadi. Mais non, mais j'ai juste regardé pour la première. Oh, vas-y. Ah, bah bravo. La deuxième? Deuxième saison, bah y a pas les chiffres. Mais j'ai vu qu'il y avait des épisodes hors série et des épisodes spéciaux. Oui, ouais, c'est ça. Alors, si tu comptes la première saison, il y a 28 épisodes au total en comptant 2 hors série. D'accord. Notamment le Compteur. Est-ce que c'est dit quand est-ce qu'il faut les regarder? À quel moment, je veux dire, il faut les regarder? Pas spécialement. Tu veux dire quoi par à quel moment je regarde? Non, c'est pas très récemment. Il me semble que si tu vas sur. T'as un forum qui a été créé spécialement où t'as plein de critiques, d'avis, de trucs de fans. Et il me semble que tout est répertorié. Ok. Ouais. Pour savoir à quel moment. Et du coup, au niveau des saisons, c'est pareil pour la 2, c'est 26 épisodes. Et pour la 3, ça doit être à peu près pareil, je pense. C'est un peu moins. Ils sont pas fait chier de toute façon. Ouais, parce qu'il me manquait une saison. Ah bah non, il y en a que 13. D'ailleurs, à propos de toi, Ismaël. Oui. Tu as des actualités à nous donner, comme à chaque fois de PK Avenger, nous avons un point actualité. Ah, à vous. Non, non, non, pas du il tout. Il n'avait même revu. Ah, t'as le droit de dire non, c'est pas grave. Hein. Si c'est non, bah on rend l'antenne et puis voilà. Hein. Finalement, l'actu, bah c'est, non, pour c'est une la... fois, j'ai pas d'actualité. Ah, c'est vrai. Ça change. Ouais, franchement, je regardais un petit peu les actus sur tout ce qui est monde technologie, geek, enfin, ce qui nous concerne, quoi. Pop culture. La pop culture. Ouais. Bah, cette semaine, y a pas grand-chose. Soit. Bah, c'est pas grave. Ah, non, mais pour ce soir, on peut parler des trucs sur la saison 4. Politique, ouais. On a déjà... pas ça intéressant, donc non. Moi, toujours, si je suis toujours dans le thème de l'animation, j'ai une petite actu. Bah, vas-y. C'est qu'il y a une suite qui a été lancée sur un film qui est sorti en 2018, qui est... Spider-Man New Generation. Oui, si j'ai vu, il va sortir en 2022. 2021. Oui. Ah bon ? J'ai vu 2022 moi. Okay. Ah attends, je me trompe peut-être. J'ai mais vu t'avais une vidéo prochainement promotionnelle. Dans pardon, t'as sûrement raison. Ouais non, c'est 2022. Pardon. Ah. On est temps de voir, mais c'est cool. Déjà que le premier, bon. Il... Vous aimez Spider-Man ? Oui. Oh, il est incroyable. Beaucoup. Oui. C'est votre préféré, genre Pas, ouais. Pas, j'aime pas le pas Amazing, en tout cas, en parlant des films, mais j'aime beaucoup aussi la Tobey série. Tobey Maguire. Moi, je suis Team Sam Raimi. C'est qui lui ? Bah, c'est le réalisateur de la première trilogie. Ah, merde. Le réalisateur des Evil Dead. D'accord. C'est celui qui a fait avec Tobey Maguire. Oui. Ouais. Ah, c'est... Et qui a réalisé Pizza Time. Non. Non, qui a réalisé le Monde Fantastique Dose en 2013, par exemple. D'accord. Et t'en as pensé quoi, toi ? Deux. Bah, justement, du Monde Fantastique Dose. J'adore. J'adore. Déjà, ouais, je suis fan de celui de 1939 et je suis tombé amoureux de Judy Garland dans le film. C'est plutôt récent, ça. Oui, mais. Mais ça reste un bon film à voir. C'est classique, je trouve. Et j'ai eu la chance. J'ai eu la chance, en fait, parce que j'avais 10 ans et j'ai eu la chance de le voir au cinéma. À 10 ans ? Ouais. Sérieux ? Ouais, on avait des projections créées avec. En noir et blanc ? En noir et blanc et en couleur. Hein, puisque c'est un film qui est en noir et blanc au début, mais qui devient en couleur une fois qu'elle atterrit au. Je me pose une question. Parce que j'étais en train de me dire, il avait 10 ans en 1939. Non, non, c'est pas ça la question que je me pose. C'est à 10 ans, il va avoir des films en noir et blanc. Ouais, c'était avec. C'est aussi le niveau de culture du gars. Non, pourquoi ? C'était organisé avec mon école. On est ah, merde, c'était obligatoire. Mais, non, mais attends, j'aimerais revenir sur un truc là quand même. À quel moment tu te dis, à 10 ans, je vais voir un film en noir et blanc ? En quoi c'est décalé ? Bah, moi, franchement, à 10 ans, on montrait un film en noir et blanc. Je me disais, putain, c'est quoi cette télé de merde ? Elle marche pas ou quelque chose de genre ? Franchement, t'avais pas compris que la couleur c'était. Non, après. Non. D'accord. Ah, si on te la prend pas, moi, ce que je me suis toujours demandé, c'est pourquoi les dinosaures de Jurassic Park ils sont en couleur et les juifs dans la liste de Schindler ils sont en noir et blanc. Ouais, c'est vrai. Hein, c'est pas faux. C'est pas faux. Hein, pourquoi ? On a beaucoup de questions comme ça. On le fera peut-être lors d'une émission de Peck Avenger. Dans tous les cas, celle-ci est officiellement terminée, si j'en crois Ismaël qui n'a pas d'actuellement le coup. C'est bien ça, Ismaël, on est d'accord. Hein. Ah oui, non, ouais, on va se coucher, c'est bon. Je voulais savoir qui est le futur Tony Stark, bien évidemment. Non, non, je veux pas savoir. Non, tu te tais, ta gueule. Ok, ouais, je veux pas savoir. Vous saurez pas parce que je n'ai pas la réponse. Voilà. En fait, les 60 ans de Michael J. Fox. Ah ouais, le mec qui ne vieillit jamais. Et ben moi, je connais Retour vers le futur. Si, bien sûr qu'il vieillit. Ouais, il vieillit, mais c'est Keanu Reeves qui ne vieillit jamais. Oui, pas visuellement, quoi. Ah, si, quand même un peu. Bon, ah bon ? Oui. Bah, pendant longtemps, il n'a pas vieilli. Eh ben, on lui souhaite un joyeux anniversaire. Bravo. J'espère qu'il viendra dans Peck Avenger. Bizarrement, hein. Allez, on peut le souhaiter quand même. Bien sûr. Voilà. Dans tous les cas, nous, on se retrouvera la semaine prochaine de 21h à 23h pour faire une émission un petit peu spéciale. Un petit peu quand même. Un petit peu. Parce que l'équipe de J'ai vu de la lumière, ils en avaient marre de leur créneau de merde le mardi. De 21h à 23h, si vous voulez quand même les écouter, évidemment, parce que c'est quand même sympa ce qu'ils disent. Oui. Surtout celle de cette semaine, moi j'ai bien aimé. Et ben ils vont venir dans Peck Avenger. Ils vont nous parler. Mashup. Ouais, c'est ça, c'est un crossover entre deux émissions. Wow, c'est J'ai vu de la lumière dans Peck Avenger. Un truc du genre, je sais pas, on peut appeler ça comme on veut. Clément et deux autres amis à lui vont venir pour, je sais pas, parler de partager. Pop culture. Non, mais c'est bien parce qu'il n'y avait pas la lumière à tous les étages partager. Dans cette émission, donc comme ça. Ouais. Ni dans la leur. Passer un bon moment, quoi. Notamment dans l'animateur qui s'appelle Teddy. Oui, effectivement, bah, il manque souvent des cases, mais bon, ça c'est qu'un détail. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine. Mais avant ça, demain, on se retrouve pour Vita Conso de 20h30 à 22h avec Linda, moi, Jolan et Antoine. Lundi, il y aura Starter de 20h30 à 21h avec Théo, moi et. Je sais plus, Jolan et Antoine. Ça oui, dépend. Certainement. Bah, toute l'équipe. Hein, avant Actu Solide. Ouais, ça dépend. Parce que moi, j'ai été dans Starter, c'était pour remplacer Antoine, mais Antoine est souvent là quand même, je trouve. C'est quand même assez bizarre. Je trouve qu'il y a Ogi sur Roche quand même. Bah, bon. Après, oui, c'est suivi d'Actu Solide, donc on partage quand même de très bons délires. Tout à fait. J'ai vu la lumière, comme j'ai dit tout à l'heure, chaque mardi de 21h à 23h, où c'est des sketchs improvisés. Oh, ils s'amusent, ils font des trucs de ouf. C'est vachement bien. Ils inventent des petites histoires, c'est cool. L'impro, c'est cool. Amour, Gloire et René, par exemple. Par exemple. Ah, la sitcom de J'ai vu la lumière. J'ai adoré. Bonne impro. Et pour en revenir sur Starter, lundi, ça sera sur les cabriolets pour vous faire plaisir cet été. C'est ça, parce que si vous avez assez d'argent pour. Oh, ça coûte cher quand même. On verra que pas forcément. Ah, bah, on va voir ça dans Starter. Ou une Cadillac. Il y aura Passion aussi jeudi de retour, je crois. Enfin, ils seront là de 20h30 à 21h. J'hésite toujours. 20h30 à 21h. Voilà. Moi, j'hésite pas parce que si tu veux, vu que j'arrive à 20h29 et 30 secondes à chaque fois, je sais à quelle heure ça commence quoi. Et bah voilà, je crois qu'on a fait le tour de l'antenne. Ouais, et par contre, tu parlais de questions qu'on pouvait se poser tout à l'heure. Ça m'a fait penser que j'avais envie d'écouter Guédré avec les questions. C'est vrai. Donc j'ai mis Guédré avec les questions. Guédré les questions. Ah ouais, parce qu'il n'y était pas avant. Oh, wow. Parce que normalement, là, j'avais Yann Wagner. Beauté, là. Oh oui. Parce que moi, j'avais Wagner normalement. Wagner. Yann Wagner. Ah oui, il s'appelle vraiment Wagner. Ouais, vraiment. Ouais. Pas Wagner, le compositeur. Mais du coup, non, pas le compositeur. Mais du coup, on écoutera Yann Wagner avec son titre Daily Dose. Après Guidré, les questions. Et je dois vous avouer, Guidré, les questions qu'elle se pose. C'est pas mal. Elles sont pas mal, ouais. Ah bah allons-y. Donc on se quitte là-dessus, on vous fait des bisous et on vous souhaite une très bonne soirée. Écoutez Guidré. Les podcasts Indestar, toutes vos émissions préférées, où vous le voulez, quand vous le voulez, sur indestar.fr et sur toutes les plateformes internet.